fait un point sur l'actu de ce mercredi. On est le 31 août, on fait un point sur l'actu, le sport, avec Rémi. On commence par le temps. Salut Rémi. Salut Mehdi, salut à tous. Ouais, c'est vrai, dernier jour du mois d'août et encore une belle journée sur la majorité du pays. Quelques nuages possibles près de la frontière belge et des orages prévus dans l'après-midi comme hier sur le sud-est. Les températures ce matin comprises entre 15 et 22 degrés, 26 à 32 cet après-midi avec 28 en Ile-de-France et seulement 20 le long des côtes de la Manche. Et puis la pollution avec des indices moyens compris entre 4 et 5, 5 à Dreux, Rouen, Amiens, Metz, Lyon, Montpellier et Perpignan. Et Chris Brown qui refait parler de lui dans l'actualité. Nouvelles accusations graves contre le chanteur américain. L'ex de Rihanna est accusé de violence par l'actuelle Miss Californie. Elle a appelé les secours après avoir été menacée avec une arme à feu pour une histoire de bijoux avant de s'enfuir. La police s'est rendue chez la star qui a refusé de leur ouvrir la porte tant qu'un mandat n'était pas présenté. Les policiers ont finalement encerclé la villa pendant près de 12 heures avant que Chris Brown ne se rende. Le chanteur a eu le temps de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Il dénonce l'acharnement des policiers contre les Noirs. Des policiers qu'il juge idiot et qu'il qualifie de pire gang du monde. Il donnera les clés de son ministère ce matin à 9h à Michel Sapin. Emmanuel Macron a posé sa démission hier à François Hollande et n'est donc plus ministre de l'économie. C'était attendu depuis plusieurs semaines. L'ex-banquier n'est pour l'instant pas candidat à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Il dit vouloir retrouver sa liberté pour se consacrer à son projet En Marche. Créé, vous le savez, en avril dernier, bien évidemment, les réactions politiques sont nombreuses. Nicolas Sarkozy a estimé que cela faisait 4 ans que la France n'a pas de politique économique. Autre démission du gouvernement, celle de Georges-Paul Angevin, la ministre des Outre-mer quitte le navire pour raisons personnelles. Elle est remplacée par Erika Barex, jusqu'à la secrétaire d'État chargée de l'égalité réelle. 800 000 profs sur le chemin de l'école ce matin, bon courage à eux. C'est la traditionnelle pré-rentrée dans les 64 000 établissements en France. Les élèves sont attendus demain et vendredi. D'ici là, eh bien, c'est une nouvelle polémique qui s'invite concernant les prochaines vacances. Le calendrier a été dévoilé. La surprise, les congés de la Toussaint débutent un mercredi pour s'achever 15 jours plus tard, un jeudi. La Fédération des parents d'élèves ne comprend pas et estime qu'il est difficile de faire garder les enfants en plein milieu de semaine. Les pros du tourisme, de leur côté, parlent d'un non-sens économique. Le ministère de l'Éducation ne reviendra pas sur sa décision et souhaite respecter le rythme des enfants, à savoir 7 semaines travaillées avant les vacances. Plus que quelques heures pour finaliser les derniers transferts, le mercato de l'été s'achève la nuit prochaine à minuit. Les fans de Paris peuvent se rassurer. Normalement, David Luiz ne quittera pas le club de la capitale. Chelsea, qui l'avait vendu il y a 2 ans, a cherché à le récupérer pour 40 millions d'euros. Proposition refusée par la direction parisienne. D'autre part, vous devez savoir qu'on en saura plus aujourd'hui sur le cas Mario Balotelli. Nice devrait officialiser l'arrivée de l'Italien en prêt. L'annonce est attendue en fin de matinée. Enfin, Engie à Marseille, c'est quasiment fait. L'attaquant camerounais va mettre fin à un suspense qui a duré un mois et demi. Il est attendu dans la journée pour signer son contrat alors que la visite médicale avait été faite déjà fin juillet. Ah oui, donc ça faisait un petit moment. Ça faisait déjà un petit moment. Il est arrivé, il a mis le temps quand même pour arriver. Ah, il a mis le temps, ouais. Merci Rémi pour les infos. Il est 6h01 sur Skyrock. C'est parti pour le morning. On te retrouve dans une demi-heure. Ouais. Et là, on retrouve toute l'équipe. C'est parti en direct sur Sky. On y va. Bonjour. Bonjour. C'est la rentrée du morning. Et toute l'équipe est déjà prête. Anthony. Salut les filles. Si vous avez bonne rentrée avec le morning de Default sur Skyrock. J'ai le nez plein de mort. Eh oui, c'est la rentrée, ça se sent, hein, ça y est, c'est la rentrée des profs aujourd'hui. Demain, ouais. La vraie rentrée, la rentrée des élèves. On pense à tous ceux et à toutes celles d'ailleurs qui sont peut-être encore en train de dormir ce matin pour la dernière fois et qui demain matin vont se réveiller avec nous dès 6h. Ah oui, ce sera terminé là. Voilà, vous avez ça en avant-première. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Bonjour Romano. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Bah ça va. Lost Monkey, c'est ton t-shirt. Ouais, c'est ça. Très bien, Lost Monkey. Oh bah je suis là. Bonjour Cédric. Ah bonjour tout le monde. Ah bah tu vois, t'as pas perdu. Non, je suis là. Ça va bien? Ouais, ça va, tranquille. Bonjour Cariole. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe, bonjour Sam des réseaux Salut. Sociaux. Rémi est déjà là, vous tous vous êtes là aussi. Bonjour au boulanger qui nous écoute. J'ai trois messages de boulanger. Boulanger du 59 qui nous a laissé un message. Thierry du 34, bonjour Thierry, bonjour le 34. Oui. Et Christophe aussi, en train de bosser, il fait trop chaud. Ah ouais, il fait trop chaud, mais faites attention à la clim. Moi j'ai pris un coup de clim ce matin. Ah, ça fait du bien. J'ai le nez qui est bouché. Et tu vois, on dit que ça te fait du bien. Mais oui, Romano. Bah, ça réveille. Cédric est très intelligent, comme d'habitude. Non, mais. Je suis en train d'expliquer à la France entière que je suis malade, que j'ai pris un coup de clim le 31 août. Oh, bah, ça te fait du bien. Bah, c'est ironique. Et Cédric, il est là, ça fait du bien. Ouais, bah, non, mais. Ne fais pas d'ironie. Oui. Ah ouais, laisse tomber. Bon, le réveil, ça fait du bien. Avec Skyrock en plus et avec 1 500 € à gagner dans une demi-heure pour le premier rendez-vous. C'est toutes les demi-heures, toute la semaine, 1 500 € qu'on vous offre si vous répondez Skyrock. Il suffit de répondre Skyrock. Dès qu'on vous appelle, dès qu'on vous demande quelle est votre radio préférée, c'est peut-être ce qui va se passer dans une demi-heure. Sinon, vous pouvez vous inscrire pour augmenter vos chances d'ici 6h30 oui. au 7-20-20. Vous envoyez 1500 au 7-20-20 et peut-être qu'on vous appellera. Vous envoyez maintenant et on peut vous appeler tout à l'heure. À 6h, à 6h30, à 7h, à 7h30. 7h, 8h, 8h30. Et voilà. Bon, bonne chance. On salue d'ailleurs nos gagnants. Il y a Nadège qui a gagné hier. Bonjour Nadège. Si t'es en train de te réveiller avec nous. Et Nicolas également. Nadège du 33 et Nicolas du 91 à Draveil. Bon, vous avez vu l'histoire Chris Brown? Ouais. Chris Brown, on a suivi hier soir, tout au long de la soirée, ses frasques dans la radio libre. Et on avait des envoyés spéciales, Cédric et moi. Oui, ouais. Cédric et Romano. En duplex exclusif de Los Angeles. Près de sa villa. Ouais, ouais. Ça. En duplex exclusif avec Chris Brown. Alors, il était avec Miss Californie, c'est ça, hein. C'est ça. Vous avez la photo de Miss Californie? Parce que moi, quand j'ai entendu ça avec Rémi, je me suis dit. Ouais, on l'a, ouais. J'ai tout de suite envie de voir la photo de Miss Californie. Bah, elle est deux spies, hein. Il se fait pas chier, Chris Brown. Non, mais elle est moyenne, hein. Ah, Rémi qui dit elle est moyenne. Rémi, célibataire depuis 50 ans. Qui nous raconte qu'elle est moyenne. Parce que je le veux. Genre, bien. Elle viendrait à la porte du studio, là, maintenant. Elle arriverait dans l'appart. Je la calcule même pas. Bon, bien sûr. Wow. Bah, ça. Bah, elle non plus, d'ailleurs. Ça, c'est sûr. Chris Brown, qui n'arrête pas. Chris Brown ne fait que des conneries, aussi. C'est clair. Hein. Ce Chris Brown. Bon, on aura des nouvelles, sans doute, dans la matinée. Tu nous en reparleras, Rémi. Bah ouais, carrément. Tiens-nous au courant. Bon, des cadeaux à gagner. On aura vos iPhones à vous filer tout à l'heure. Et puis, évidemment, vos conseils pas chers. Je vous redonne les horaires des conseils pas chers, les nouveaux. Nouveaux horaires pour cette rentrée à 40 de chaque heure. Romano, c'est l'heure de l'argent, c'est l'heure des sous, l'heure de la monnaie, l'heure du pèse, l'heure de la thune, l'heure du fric, l'heure du flouze. Bah, ça sera à 6h40 tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on fait les 1500 euros à 6h30 pour le premier rendez-vous et après, tu gagnes de l'argent, toi aussi. C'est ça, directement, ouais. Très bien. Bon, tu veux nous en dire un petit peu plus ou tu attends un peu? On va parler poubelle. Intéressant. Bah, je vois que l'équipe est ébahie, hein, Cariole. Ah oui, ça. J'adore. Parlera poubelle. Et puis, réveil de star à découvrir. Et bien, tiens, une petite star et un film star, le film de cet été. De quoi on va parler? Et bien, on va vous dire ça dans un instant. Réveil de star. Les Français se font réveiller grâce à Skyrock. Waouh, la classe. Et pas par n'importe qui. Allez, je vous le dis. Franck Dubosc. Ah, c'est Camping. Le film de l'été, oui. C'est Patrick Chirac. Le film, un des films les plus vus de l'été. Est-ce que c'est le film le plus vu de l'été, Camping? Bah, tiens, on va tout vous dire dans un instant. Qu'est-ce que les Français, qu'est-ce que vous êtes allés voir pendant On va regarder le box-office. Oui, oui. Moi, je suis pas allé au cinéma depuis le début des vacances. Depuis déjà. 10 ans. Au moins. Bon, on en parle dans un instant, là. Tiens, dites-nous quels sont les films qui vous ont fait kiffer cette idée si vous êtes allé au ciné. Votre avis, c'est au 41-759. Sur l'appli Skyrock aussi, vous nous envoyez tout ça tout au long de l'émission. Profitez-en, c'est gratuit. Allez, vos films préférés, vos films de l'été, dernier film que vous avez vu. Et dans un instant, réveil de star et du son avec Mike Posner pour se réveiller à 6h05. C'est I Took a Pill in Ibiza. C'est ça. Ouais, moi, I go to Took a Pill in the kitchen et j'en reviens tout de suite. Voilà, il a pris un coup de clim. Bah oui, j'ai pris un coup de clim. Bah ouais, en plus, je l'ai senti hier matin. Je vous l'ai dit, hein, dans l'équipe. Ouais. Allez, Mike Posner pour se réveiller à 6h06. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Bip bip! I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know we're sad souls, sad souls, darling. Oh, I know we're sad souls, sad souls. Shot. I get along with old times. timers, cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know sad souls, sad souls. Darling, all I know are sad souls, sad souls. Et ouais, Itouka Pilini Biza sur Skyrock, on écoutait le son de Mike Posner. Et à 6h09, c'est mercredi aujourd'hui. Et on va parler un peu cinéma. Cinéma et les films de l'été. Est-ce que vous êtes allé au ciné cet été? Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Alors, vous pas du tout. Eh ben, heureusement que vous êtes là parce que vous êtes allé au ciné. T'es rien allé voir du tout, Romano, toi. Non, non, moi, l'été, je vais à la plage. Bah, c'est ce qu'on me disait là sur SMS. Pourquoi aller? C'est Momo qui m'envoyait le message. Pourquoi aller au ciné alors que t'habites à 3 km de la plage? Ouais. Ah, bah, Momo, t'as de la chance. Tout le monde habite pas à 3 km de la plage, hein. Et puis, parfois, il y a des films, t'as envie d'aller les voir. Alors, les films de l'été. Camping, le film dont on a tant parlé au début de l'été, est-il le numéro 1 des films de l'été? Alors, on n'attend pas Patrick? Eh ben non, ouais, non, on n'attend pas Patrick, il n'est pas film numéro 1. Non. Le film numéro 1, c'est Le Monde de Dory. C'est ah ça. Ouais. Le Petit Poisson, Le Monde de Dory, est arrivé numéro 1, c'était pas de beaucoup, mais numéro 1 devant Camping. Et il y a même L'Âge de Glace, le nouvel Âge de Glace qui est sorti en début d'été, qui est arrivé devant Camping. Les lois de l'univers. Les lois de... Mais tu vois que tu t'y connais en cinéma. Non, mais parce que j'ai une feuille, je sais marqué dessus. Ah, tu es allé te renseigner. Donc, les films que vous êtes allés voir cet été, bon, en gros, c'est ceci, hein, des messages que vous nous avez laissés. Il y a Thibaut là, qui est allé voir Camping 3. Salut à toi, Thibaut. J'ai bien aimé. C'est toujours marrant, Franck Dubosc. Alors, on n'attend pas Patrick. Et alors, on n'attend pas Patrick. Justement, ce matin, le réveil de star, c'est avec Franck Dubosc. Ah. C'est lui qu'on va retrouver. Et le célèbre, parce que ça, c'est quand même la réplique. Alors, on n'attend pas Patrick. C'est ça, Romano. Ah bah si, on t'attend Patrick. On voilà. Est tous là. Qui a vu le Camping 1 et Camping 2? Ouais, Camping 1 et 2, j'ai vu. Ouais. Et ouais. Alors, lequel t'as préféré, le 1? Le 1, ouais, le 2, il était moins bien. Voilà. Et pourquoi t'es pas allé voir le 3 pour pouvoir faire la comparaison et nous faire ton classement des campings préférés? Bah, au départ, je voulais y aller, puis je me dis que je vais attendre que ça sorte en DVD ou en VOD. Ça va arriver dans pas longtemps d'ailleurs. Ah ouais, donc Patrick t'attend en fait maintenant. Ah bah, j'attends Patrick. Hein. Bon, on va voir ce que ça donne tout de suite. C'est parti, réveil de star. Le premier réveil de star de cette matinée sur Skyrock à 6h11. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de star sur Skyrock. Et Patrick va réveiller ce matin Jean-Pierre. La rencontre de cette matinée en ce dernier jour du mois d'août. Patrick et Jean-Pierre dans le réveil de star sur Skyrock. Allô? Allô? Oui. Salut. Et qui c'est? Patrick. Et toi? Mais qui que soit raconté, vous êtes trompé de numéro, monsieur. Jean-Pierre? Jean-Pierre, oui. Super. Mais vous êtes d'où, vous? De Dijon, Côte d'Or, et toi? Patrick de Dijon, attendez. Ouais. Je remets pas. Moi, je travaillais chez Amora. J'étais dans la moutarde. Oui, eh ben... Je peux te parler? Je sais pas, oui, parlez toujours, mais je vous remets pas, moi. Vous avez devant vous le nouveau Patrick Chirac. Le Patrick, pas pour l'amour. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Je te vois jamais au Shogun. Mais t'es pas un peu con, non? Quoi? Mais je sais pas, tu es un suqué, toi, qui c'est? Bah, c'est sûr, sur Dijon, je sors dans des boîtes un petit peu plus branchées, quand même. Hein. Wow. Mais tu vas te faire enculer, connard. Tu vois, si je peux me permettre, moi, personnellement, je trouve que t'es trop coincé. Mais qu'est-ce que c'est, ces conneries, là? Tu sais, moi, j'étais coincé comme toi avant, hein. Jusqu'au jour où j'ai fait sosie d'Elvis Presley, ça m'a débloqué. Monsieur, va te faire remettre le paille au cul, hein. Le paille au cul. Oh, Jean-Pierre. Et allez, zou. Va te faire mettre une paille au cul. Bah, dis donc, Jean-Pierre. Ah, j'ai compris pourquoi tu aimais beaucoup Patrick. Parce qu'il est bourguignon comme toi, Romano. Eh ouais, il est de Dijon. De Dijon, et il sort au Shogun. Eh ouais, Shogun. À Dijon. Attendez, c'est pas fini parce que. Non, ça, c'est Shogun, c'est sur le lieu de vacances. Mais attends, ça, mais c'est la boîte du camping, le Shogun. Bah oui. Ouais. Ah, au Shogun tonight. J'ai quand même envie qu'on vous. On rappelle Jean-Pierre. Oui, qu'on vous fasse réécouter Jean-Pierre, parce que Jean-Pierre a une voix magnifique. Ah ouais. Hey, copain. Allô. Patrick is back. Gendarmerie nationale. Tu vois, la liberté, c'est de pouvoir manger ses carottes râpées dans l'emballage. Bah, te faire mettre une paille au cul, je t'ai dit, connard, qui c'est? Bon, t'as pleuré. Mais tu es pas un peu jobard? Qu'est-ce que tu es? Si, t'as pleuré, Jean-Pierre. Je connais ces yeux-là, je suis passé par là, je te dis. Et tu me connais pas? Bonne journée, JP. Salut, JP. Ah oh, oui, oh. JP. JP, très bon dans le rôle. Lui aussi, frère, qu'il fasse du cinéma. Très bon dans le rôle du gendarmerie nationale. Très bon dans le rôle du gendarme. Ah, mais toi, il est paille au cul. On va dire bravo à Patrick Chirac, évidemment. Mais bravo à Jean-Pierre qui était super, vraiment. Jean-Pierre dans le rôle de la police, ah, gendarmerie nationale, magnifique. Parfait. Voilà. Et l'expression du jour, la punchline du jour, notez bien, va te faire mettre une paille au cul. Ben voilà. Et bien voilà. Simplement. Si quelqu'un vous embête aujourd'hui, vous lui dites, va te faire remettre une paille au cul. Va te faire mettre une paille au cul, bon, Jobard. Ah oui, Jobard, j'avais oublié. Merci Patrick Chirac, merci Jean-Pierre, merci Camping, il est 6h14 sur Sky. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et B.O.B. dans le morning tout de suite. Ah, j'avais pas dit qu'on allait écouter ça, c'est bien, petite surprise. Airplanes, gros souvenir sur Skyrock à 6h14 avant de jouer ensemble à l'invité mystère. We pretend that airplanes in the night sky like shooting stars. I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Could we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars. I could really use a wish right now. To a place much simpler than this. Cause after all the partying and smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you fade to the blackness. And when you're staring at that phone in your lap, and you hoping but them people never call you back. But that's just how the story unfolds. You get another hand soon after you fold. And when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So airplane, airplane, sorry I'm late. I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I switch my flight, and I'll be right back at it by the end of the night. Can we pretend that airplane's in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplane's in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Me back to the days before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank. Yeah, back when I was trying to get a tip at Subway, and back when I was rapping for the hell of it. But nowadays we rapping to stay relevant. I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes, then maybe, yo, maybe I'll go back to the days before the politics that we call the rap game. And back when ain't nobody listened to my mixtape, and back before I tried to cover up my slang. But this is whole decade of what's up, Bobby Ray. So can I get a wish to end the politics and get back to the music that started this shit? So here I stand, and then again I say, I'm hoping we can make some wishes out of airplanes. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. B.O.B. sur Skyrock avec Airplanes à 6h17. Bonne journée à vous. Dans un quart d'heure, on vous offre 1 500 €. Premier rendez-vous avec les 1 500 euros dans un quart d'heure sur Skyrock. Mais avant ça, on va jouer ensemble et on va jouer à quoi? À l'invité mystère. Oui, on a un invité mystère à vous présenter maintenant et à vous faire découvrir. Alors à la base, c'est pas facile. Je vais vous faire écouter sa voix. Vous allez voir, pas simple l'invité mystère. Mais si vous avez bien écouté les infos de 6h tout à l'heure,

if you're down, I'll take it slow, make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Drake sur Skyrock, c'était One Dance, il est 6h23. Check, check. Dès 6h. C'est que le début, oui. Ils sont déjà en pleine forme. C'est des conneries à la radio, ça. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Et non, c'est pas des conneries, on va parler de notre invité mystère ce matin. C'est une des actus du jour que vous avez découvert. D'ailleurs, on en parlait hier soir dans la radio libre. Vous avez découvert aussi dans le morning avec les infos de Rémi. C'est pour ça que je vous disais que c'est pas facile à découvrir cette voix. Pas ugly bitches. Salut, l'invité mystère. Comment, mon nigga? Ça va, my nigga? Bien, bien, bien. Notre invité mystère, pas facile à découvrir comme ça. Mais avec les petits indices que je vous ai donnés, ça pouvait aider. On a François en direct avec nous. Bonjour, François. Oui, bonjour, Difool. Bonjour, Mazou. Salut, François. Bonsoir. Bienvenue. François de... T'es où? C'est dans le 62, c'est ça? Oui, voilà. Oui. Je le sais parce qu'on me l'a dit. Hein. Bienvenue, François. Alors, l'invité mystère, tu l'as découvert. Qui c'est qui dit fuck you, bitches? Fuck ugly bitches. Fuck vilain pute. C'est ça. Je fais la traduction. Hein. Et c'est bien Chris Brown. Et c'est Chris Brown. Bien joué, bien joué, bien joué. Chris Brown. Est-ce que vous voulez que j'appelle... Oui. Chris Brown. Chris Brown. Chris Brown. Mais oui, Nikos. Même Nikos a reconnu Chris Brown. Autrement appelé Christophe Maron. Ouais, Christophe Maron en français, c'est ça. Tu viens de gagner ton iPhone 6S, dis donc, François. Ah, on est bien alors. Ah bah, on est pas mal, hein. Ça fait du bien de se réveiller avec Sky le matin. Un iPhone 6S. De bon matin. Le premier de bon matin. Il est ah, pour de toi. Bon matin. Oui, on va te l'envoyer à la maison, François. Ton... Pourtant, j'essaye de pas avoir trop l'accent. Non, mais là, t'es sur le matin. Là. Oui, le... Ah, ouais. Il y a une remontée d'accent nordiste là. Dis morning. Morning, ça se sent moi. Ah, morning. Morning. Bravo, François. Premier iPhone de la matinée, il y en aura d'autres. Merci beaucoup, c'est gentil. Je dis ça pour vous tous. On m'avait proposé Justin Bieber quand j'ai dit problème avec la police. Non, c'était pas Justin Bieber. On m'avait proposé Drake aussi. Bon, c'est pas les problèmes de. Snoop aussi, on m'avait dit, ouais, parce que Snoop a souvent des problèmes à cause de la marijuana. Ouais, c'est vrai. Et Chris Brown, donc on en reparlera dans les infos tout à l'heure. Problème à Los Angeles, dans sa maison hier. Il était avec Miss Californie. Alors ça y est, j'ai chopé la photo de Miss Californie. On va vous la mettre en photo sur tous les réseaux sociaux. Oh bah ça va, Rémi. Rémi fait ouais, bof, moyen. Non, mais là t'as une super photo, photoshopée tout mais, ça. Quoi, une bonne tête d'américaine. Oui, elle est américaine. Elle a un brushing. Voilà, un brushing, elle est toute blonde décolorée. Oui, c'est ça. Bon, t'as l'impression que la meuf joue dans Dallas ou dans. Oui, oui. elle a la coupe. Ouais, c'est la vraie américaine. Bon, Rihanna est mille fois mieux. On va vous mettre la photo, c'est pas le même elle style. Elle veut pas de toi non plus. Ouais, j'ai eu au téléphone, Rémi. J'ai pas essayé, hein, qu'est-ce qu'on sait. Bon, oh bah ça va, attendez, oh les gars. Non, elle respire, c'est vrai. Franchement, elle est fraîche. Ah bah oui, bah c'est. Elle respire, elle est fraîche. Écoutez, voilà, elle est fraîche. Ah, je m'occupe d'elle, moi. Oui, mais bah, elle veut pas. Elle veut pas. Ah, tiens, petit résumé de ce qui s'est passé avec Chris Brown, Romano. Dis-lui. Ah, mais j'aurais préféré que ce soit Cédric. Ouais, bah on va rien comprendre avec Cédric, tu le connais. Vas-y, hein. Si, je fais le résumé. Allez, non, vas-y. Vas-y. Notre envoyé spécial Cédric et son acolyte Romano nous explique ce qui s'est passé dans la maison de Chris Brown hier soir. Bon, hier, Chris Brown organisait une petite partie chez lui. Oui. Avec des amis. Avec des amis, dont Miss California. Miss California. Alors, a priori, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, elle a vu un bijou de Chris Brown qu'elle n'aurait pas dû voir. Ouais. Bon, bijou, un vrai bijou, pas les bijoux de famille. Hein. Oui, oui. Parce que ça, je pense qu'elle les a vus aussi, mais. À ce moment-là, Chris Brown, pas content, a sorti un flingue et a priori, aurait pointé sur la meuf. Et la meuf là, de là, s'est enfuie de la maison. C'est ça, ouais. A appelé la police. La police a débarqué et voulait rentrer dans la maison. Chris Brown leur a dit, vous ne rentrez pas. Fuck up, bitches. Fuck police. Vous ne rentrez pas, vous n'avez pas de mandat de perquisition. Fuck ugly bitches. Et après, ça a duré quasiment 12 heures l'histoire. Ouais, pas mal. On a suivi les dernières heures dans la radio libre. Et ce qui s'est passé, c'est que donc la police est arrivée, ils sont venus avec le mandat de perquisition et de police scientifique. Et là, Chris Brown a dit Fuck you. Ils l'ont embarqué. Voilà. What's up, la police. Chris Brown, les dernières aventures, les dernières phrases de Chris Brown, c'est le même qui était impliqué dans une bagarre avec Frank Ocean. Vous savez qu'on découvre dans Planète Rap jusqu'à ce soir. Ouais. Il s'est battu avec Drake aussi. Il s'est aussi battu avec Drake. Il a été placé en garde à vue en octobre 2013 parce qu'il avait tapé un mec qui traînait devant son hôtel. Chris Brown lui a dit Fuck ugly bitches. Et juste après, il lui a mis un coup de poing dans la face. Fuck bitches, pam. Come on, my nigga. Tiens, il y a pas longtemps, il y a 6 mois en janvier, il a été impliqué dans une agression envers une fan parce qu'elle l'avait filmé, ça l'avait énervé. Ah ouais. Ah ça, il aime pas. Ouais. Et il lui a dit Fuck ugly bitches. Ouais, mais en même temps, il a pas changé de bon métier, quoi. Tu vois. Oui, normal. C'est bien qu'il ait des fans, histoire qu'il y ait quand même des gens qui l'écoutent. Ouais, mais ça, il aime pas. Non, il aime pas. Bon. Et ben, les dernières nouvelles de Chris Brown, c'était sur Skyrock en exclu hier soir. Et on a fait un petit point ce matin, on en reparlera dans les infos avec Rémi. Bonne journée à vous, bonne journée François, hein. Bravo pour l'iPhone. Merci, Foul, c'est gentil. Moi, la baston de Chris, l'interpellation de Chris Brown t'aura servi à quelque chose, toi. Et c'est vrai, ouais, un iPhone. Ouais. Et ouais, l'iPhone. Et on rejoue dans une heure, un autre iPhone à gagner sera 7h20 à l'heure. On jouera à Info ou Mytho ou à l'invité mystère, on verra. Salut François. Salut François. Ciao, 6h28 sur Skyrock et un petit SCH. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Foul sur Skyrock. Et ouais, petit SCH pour se réveiller, ça fait toujours du bien, c'est sur Sky. Dans le morning et c'est allô maman et on va vous appeler, on va vous dire allô dans un instant et on va vous demander quelle est votre radio préférée. Skyrock. Ouais. Premier rendez-vous avec les 1500 euros après SCH. J'aurais pas trop là mais tu sais je t'aime bébé. On a grandi mal, c'est la fausse à la télé. Je pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Moi je serai partout, tant tu m'attendras du rimel sous les cils. Nos photoportraits dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman. Allô maman, ça va? Ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. T'es au travail? J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Ça va pas fort. Allons-nous-en. Allô maman. Ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman. J'crois que t'as besoin. T'aurais pas. Allons-nous-en. J'aurais ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir. Je parle à la faucheuse, la nuit, je me réveille en âge. Sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir. Là, je suis partout, tant tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir. Te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin. T'aurais pas, allons-nous-en. Ouais, maman, ça va? Voilà pour toutes les mamans qui nous écoutent ce matin, c'était Allô Maman, on écoutait le son de SCH sur Skyrock. Bon réveil, bon 31 août, dernier jour du mois d'août. Et demain ça sent vraiment la rentrée, demain 1er septembre, demain rentrée des classes. Ouais. Et aujourd'hui rentrée des profs. Eh bien bon courage tout le monde. Je sais pas pourquoi tout le monde nous parle de la rentrée des profs, parce que à part si t'es prof, d'ailleurs on salue les profs qui nous écoutent. Bon, c'est pas grave, hein. Ouais, ils sont 800 000 quand même. Ah oui, c'est du monde. C'est beaucoup. Bonjour à nos amis profs qui nous écoutent. Et puis bonjour à ceux qui se tapent leur dernière nuit blanche. J'ai vu c'est qui nous a envoyé un message là. J'ai vu Aziz. Ah ouais, Aziz, 17 ans qui nous fait. Eh ouais, aujourd'hui une de mes dernières nuits blanches. Ouais. 17 ans, dernière nuit blanche, demain. C'est fini. Terminé. C'est fini les vacances. C'est la rentrée. Bon, la rentrée, ça a du bon parce qu'on va vous offrir de l'argent. Et vous savez que pour cette semaine de rentrée, parce que les vacances ça coûte cher. J'ai écouté les conseils de Romano, il m'a dit ça coûtait cher. Ouais, ça coûte cher. La rentrée, il m'a expliqué que ça coûtait cher aussi. Ouais. Et ben tout ça, ça coûte cher. Heureusement, Skyrock vous offre 1 500 euros. Et pour cette rentrée, c'est 1 500 euros toutes les demi-heures à gagner sur Skyrock. Vous pouvez vous inscrire au 7 20 20. Vous envoyez 1 500 au 7 20 20 si vous voulez augmenter vos chances de gagner. Et puis si vous êtes feignant et que vous n'avez pas envie de vous inscrire, c'est possible aussi. On tire aussi dans l'annuaire, on tire partout. Et dans un instant, on appelle le premier ou la première de ce mercredi pour gagner 1 500 euros sur Skyrock. On prépare Justin Timberlake et Can't Stop the Feeling, un des sons qu'on va écouter avant 7h. Il y aura du RZA, il y aura du Designer et il y a Rémi pour les infos tout de suite. Avant vos 1 500 euros, Rémi, le point sur l'actu, on va démarrer par la météo pour aujourd'hui. Eh ben ouais. J'ai vu les températures, tu disais qu'ils allaient faire 29 degrés à Paris cet après-midi. Ouais, va faire bon, ouais, 28-29, ouais. Bon, la météo pour toute la France, où vous soyez, vous allez tout savoir. Et encore une belle journée hein, sur la majorité du pays. Quelques nuages possibles près de la frontière belge et des orages prévus dans l'après-midi. Et dans le sud-est, les températures ce matin comprises entre 15 et 22 degrés, 26 à 32 cet après-midi, 28 en Ile-de-France et seulement 20 le long des côtes de la Manche. Et puis la pollution avec des indices moyens compris entre 4 et 5, 5 à Dreux, Rouen, Amiens, Metz, Lyon, Montpellier et Perpignan. Et toute l'actu, le point sur l'actu, c'est parti. L'actu et le sport. Deadly Weapon, c'est en français, soupçon d'agression avec une arme à feu. On vous en parle depuis hier sur Skyrock. Chris Brown a de nouveau des ennuis sérieux. Il est accusé d'avoir menacé Bailey Curran, qui n'est autre que l'ex-Miss Californie. L'affaire. En photo sur tous les réseaux, hein, ouais. Si vous allez voir Miss Californie, elle y est. L'affaire s'est déroulée au domicile du chanteur à Los Angeles. La reine de beauté admirait un diamant exposé par un ami de Chris Brown. Quand il s'est énervé, lui a demandé de dégager. La victime présumée prise de peur a quitté la villa, s'est réfugiée chez un voisin et a appelé les secours hein, au 911. La police s'est rendue sur place, mais l'ex de Rihanna a refusé de leur ouvrir ses portes tant qu'il n'avait pas de mandat. Le petit manège a duré 12 heures avant qu'il ne se rende aux forces de l'ordre. Il a eu le temps de s'exprimer sur les réseaux sociaux, hein, de pousser un coup de gueule en insultant la police. Il affirme qu'il était en fait tranquillement en train de s'occuper de sa fille et qu'il n'a strictement rien à se reprocher à des policiers qu'il juge idiots et qu'il qualifie de pire gang du monde. Un visage en une de toute la presse ce matin, celui d'Emmanuel Macron, véritable homme d'avenir pour les uns, Brutus pour les autres qui tenterait d'assassiner son père en politique. Quoi qu'il en soit, le voilà parti du gouvernement après 2 ans au ministère de l'économie. Emmanuel Macron a remis sa démission pour se consacrer à son mouvement En Marche. L'histoire ne dit pas pour l'instant s'il sera candidat à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Il sera en tout cas replacé ce matin à 9h par Michel Sapin qui hérite donc d'un super ministère en plus de celui des finances. La production de lait qui va baisser de 5% cette année, un moyen de faire monter un peu les prix selon le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll. Un accord a été trouvé hier entre les éleveurs et le numéro 1 mondial Lactalis. Fin des actions donc pour les producteurs qui rentrent chez eux. Le prix de la tonne de lait sera désormais vendu autour des 290 euros. Cela représente une augmentation d'un peu plus de 30 euros. Une perte de taille pour Daesh. Le groupe terroriste annonce la mort de son porte-parole El Abou Mohamed Al-Adnani. Il avait à plusieurs reprises appelé à tuer des Français. Il aurait été tué en Syrie par une frappe américaine. On va faire le point sur le sport maintenant avec du foot, le retour de Grizzly en bleu et des autres, hein. Et puis un peu de tennis aussi. Ouais, les déclarations d'Antoine Griezmann, très attendues. L'un des leaders des Bleus est arrivé à Clairefontaine. Concernant ses nouvelles responsabilités, pas de pression. L'attaquant affirme qu'il ne va rien changer, qu'il fera de son mieux sur le terrain. Il ne souhaite plus trop évoquer l'Euro car il estime que ça y est, c'est passé, c'est derrière lui et qu'il faut désormais se tourner vers le Mondial 2018. On verra ce que ça donne demain en match amical contre l'Italie et surtout mardi prochain en match qualif contre la Biélorussie. Et puis du tennis avec l'US Open de New York. Ça s'est pas trop mal passé pour les Français au premier tour. Ça passe pour Chardy, Mahut, Simon, Mathieu, Garcia et Mladenovic. Élimination en revanche de Pauline Parmentier. Merci Rémi pour les infos. Pauline Parmentier, ça m'a toujours fait rigoler comme nom, Parmentier. Oui, je suis Parmentier. Ouais. Non, moi j'aurais eu un fils, je l'aurais appelé Achille, ouais. Si je m'appelais Parmentier. Voilà. Là, c'est Pauline, bah oui, c'est une fille, elle ouais, peut c'est pas. Une fille, ouais. Bon, on t'entre dans une demi-heure, Rémi, ouais. Tout à l'heure. Il est 6h35 sur Skyrock. En direct de l'appart. The Morning Show. Et le Morning de Default sur Skyrock. The Morning Show. Eh oui, le Morning est là. Fuck ugly bitches. Du calme, Chris Brown. Fuck ugly bitches. Fuck ugly bitches. Chris Brown et les nouvelles de Chris Brown. C'est vrai qu'on a suivi ça hier, je tiens à remercier nos deux envoyés spéciaux, Cédric et Romano. Ils étaient hier soir à Los Angeles en direct avec nous dans la Radio Libre. Ah ben en duplex live. Ils ont recueilli les impressions de Chris Brown. Oh, ugly bitches. Ça c'est quand Cédric s'est adressé à Chris Brown, il lui a répondu ça. Oui, il lui a même dit juste après, attention, ça vraiment ça m'a choqué parce que c'est pas sympa. Fuck you. Fuck you. Oh ouais, ok. Ok, pas de problème. Un peu énervé, je trouve. Bon, après les nouvelles de Chris Brown, on va se préparer à plein de choses pour ce matin. L'horoscope de l'amour qui arrive dans un quart d'heure. On aura le sondage du jour aussi. On va parler fantasmes dans le sondage du jour. d'ici un quart d'heure aussi. Et puis avant ça, les conseils pas chers, ils arrivent. Et Romano, après les fantasmes, après l'amour de l'horoscope, toi tu vas nous parler d'ordures. Ouais, d'ordures, de poubelles, de déchets en tout genre. Bah ouais, on en produit un paquet de déchets en tout genre. Eh bah justement, il y a un maire de l'Oise qui est révolté. Ah, c'est le vénère du jour, il va vous le présenter Romano, vous allez voir, il est super. Déjà, lui, il a un slogan. Ouais. Si vous dégueulassez notre commune, nous dégueulasserons chez vous. Eh bien, vous saurez comment. Le mec, il est à bout de nez. Il est chaud, lui. Il a lancé la guerre aux ordures. Vous saurez comment dans un instant, là. Si vous dégueulassez notre commune, nous dégueulasserons chez vous. C'est ouais, ce qu'il c'est a dit. Ça, exactement, ouais. Il a envoyé des messages sur internet et tout ça. Il a posté des vidéos. Ah, on a les vidéos, non? On va récupérer les sons, ouais. Ah ouais, ce serait pas mal. Bon, tu nous expliques comment gagner de l'argent grâce à la petite histoire de ce maire de l'Oise. Ouais, eh ben, je vais mettre sa méthode en pratique dans d'autres communes. Ah, on s'en occupe. Peut-être chez vous, d'ailleurs, ce matin. C'est possible, ouais. Romano peut débarquer pour tirer de l'argent partout, partout, partout. Tiens, salut Juju de Los Angeles qui nous laisse un message. Laissez-nous vos messages d'ailleurs sur le 41759, sur la piste Skyrock pendant toute l'émission. Si vous avez un truc à dire, si vous voulez faire les cours avec nous, eh bien nous sommes là, toute l'équipe est là, ouais, réunie. Et tiens, j'ai l'enveloppe des 1 500 €, tu me l'as pas volée celle-ci. Non, pas celle-là. Allez, 1 500 € à gagner tout de suite sur Skyrock, c'est toutes les demi-heures dans le morning. Si ton téléphone sonne, réponds Skyrock. Localisation du gagnant des 1 500 €. Alors la localisation est effectuée puisque je viens d'ouvrir l'enveloppe et je vous indique que nous allons aller dans l'ouest de la France. Plus précisément, chez nos amis les Bretons. Ah ouais, et on file même à Brest ce matin. Ah oui, la pointe bretonne. La pointe bretonne, le Finistère, le 29, Brest, la famille Castel qui a été tirée au sort. Bonne chance au Castel. C'est Carole Castel qu'on appelle en direct. On va lui demander quelle est sa radio préférée. J'espère qu'elle va nous répondre. Oh, ugly bitches. Ah bah non. Mais non, il faut répondre Skyrock. Quelle est votre radio préférée? Skyrock. Merci Chris Brown. Eh bien. Allô. Allô Madame Castel. Madame Castel. Oui. Oula, on se réveille Madame Castel. Bonjour Madame Castel, c'est la radio au téléphone, on est en direct à la radio. Bonjour Madame. On vous a tiré au sort, on vous appelle pour vous offrir de l'argent, Carole. Vous êtes bien Carole, vous? Voilà. Oui, Carole. Oui, madame. C'est sympa. Non, mais j'ai senti que celle-ci, elle avait le réveil difficile. Ah ouais, bah là, elle est bien dure, là. J'ai senti que c'était pas facile pour elle. Désolé pour Carole Castel, qui ne gagnera pas les 1 500 €. Bon, bah, pour gagner 1 500 €, c'est pas long, hein. Il suffit d'attendre même pas une demi-heure. Ouais. Dans une demi-heure, on recommence. On vous appelle, on vous demande quelle est votre radio préférée. Et viens voir Chris. Et on répond. Skyrock. Merci, Chris Brown. Skyrock. Tu vois, t'es sympa quand tu veux. Fuck you. Ah bah voilà. Oh, ok, merci. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Oh là, le rêve. Dès le réveil. Come on, my nigga. Oh bah c'est Justin Timberlake maintenant. C'est ça. Allez, Can't Stop the Feeling, à des cartons de l'été sur Sky. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. Just imagine. Timberlake sur Skyrock avec Can't Stop the Feeling. Il est 6h42. Explique-nous tout, Romano. Alors, parlons de ce maire de l'Oise. Ah, maire de l'Oise. Le maire de Laigneville. Oui, c'est Christophe qui s'appelle monsieur le maire. Bonjour Christophe. Si tu nous écoutes, on te salue et on a bien jeté nos ordures là où il fallait. Ah oui, parce que Christophe, ça le met à bout de nerfs. Oui, bah, il est à bout de nerfs, le maire, déjà. T'as vu ce qu'il a déclaré? C'est toi qui nous a dit ça? Il a déclaré, c'est ça, si vous êtes dégueulasse, non, c'est quoi? Si vous dégueulassez notre commune, nous dégueulasserons chez vous. C'est ça. Ouais, il a, parce qu'en fait... il a envoyé un message à tous ses administrés. Hey, salut, bande de cons qui m'avait élu. Voilà. Je voulais vous dire, hein, si vous dégueulassez notre commune, On dégueulassera chez vous. Voilà. Alors oui, parce qu'il en a marre, a priori sur sa commune, il y avait pas mal d'abandons sauvages de déchets, ouais, et d'ordures. Donc il a lancé ce slogan, c'est-à-dire que maintenant il récupère les dépôts sauvages et ils vont les vider devant chez les gens. Mais comment il fait devant chez qui? Bah devant chez la personne, tu sais souvent les genre gens si, ils sont... Si tu tries pas par exemple, il peut déverser ton truc. Ouais c'est ça, bah et ben, regarde dedans, il suffit qu'il trouve une lettre avec ton adresse, et ben ils reviennent déposer ça devant chez vous. Ouais, je vais venir dégueulasser devant chez toi. Eh ouais, c'est comme ça que ça marche, c'est le tarif. Voilà. N'empêche avec son truc, ça a baissé de 41% les déchets sauvages. Ouais, c'est ça. Eh bien, ce matin, je vais mettre ça en place dans différentes communes. Mm-hmm. Nous allons aller directement dans une commune et je vais dire aux gens qui n'ont pas trié que je leur amène leur ordure. Évidemment, il y a une amende en plus. Voilà, donc tu fais un amas d'ordures devant chez eux, mais il faut payer en plus. Évidemment. Voilà, bon courage, les Français. Vas-y, Romano, c'est les conseils pas chers. Rihanna, 245 millions sur son compte en banque. Alors, Romano fera-t-il plus fort? C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Ah ouais, bah, il y a du chemin à faire quand même, Romano, dis donc. Hein. Ah ouais, ouais. Attention, message de monsieur le maire de Laigneville. Ah. Oui. Bonjour, je m'appelle Christophe Dietrich, je suis le maire de Laigneville dans l'Oise. Ça fait 2 ans aujourd'hui qu'on lutte contre les dépôts sauvages de déchets dans la nature. Grâce aux méthodes que nous avons mis en place, nous avons réussi à faire baisser d'environ 90% ce genre de déchets. Voilà. Ah ouais. Ouais, en fait, il utilise ta baraque maintenant pour comme dépôt d'ordures. C'est pas con, hein. Je comprends qu'il arrive à réduire de 90% les déchets. Ah ben hein. Voilà, les déchets sont devant chez les gens. Bravo Christophe. C'était Christophe Dietrich, il s'appelle. Alors, c'est qui? Là, on va chez Claude. Chez Claude. Allez, c'est parti. À Laigneville, dans la même ville. Ah, on va chez... Ah ouais, donc, ah ouais, bah oui. On est dans la ville du maire, là. Ami de l'Oise, qui écoutez Skyrock, on vous salue. Allô. Allô. Oui, allô. Claude. Oui. Oui, c'est la femme à Claude, ça. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'est les services municipaux à l'appareil, il y a les ordures ménagères. Oui. Oui, dites voir, bon, ce matin, on va ramener vos poubelles, hein. Rien n'est trié. C'est une dégueulasserie totale, votre histoire, madame. Attendez, mes poubelles, elles sont ramassées, qu'est-ce que c'est que... Ah, ah ben justement, allô? Oui. Oui, j'entends quelqu'un derrière. Oui, c'est mon mari qui est là, mais attendez. Ah ben, passez-lui peut-être le téléphone, je vais voir directement avec lui. Oui. Merci bien, madame. C'est une affaire d'homme. Hein, ah ouais, c'est ça, une histoire d'homme, les poubelles. Histoire d'homme, les poubelles. Oui, bonjour, c'est Claude. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapince, le chef des ordures ménagères de la ville. Oui. Oui, j'expliquais à votre femme, on a ramassé vos poubelles. On a regardé un peu. C'est un vrai bordel, rien n'est trié. Ouais, hein. C'est un bordel là-dedans, il y a les bouteilles de verre avec le plastique. Tout est mélangé. Hein. Ah, tout est mélangé. Ça m'étonnerait. Ah, bah si. Je vous assure, j'ai le nez dedans. Ah, bah ouais, ça pue. Oh, ça pue. Et puis, mon collègue a un très grand nez. Ouais, j'ai un grand nez. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce matin, je vous ramène vos poubelles, on les pose devant chez vous. Et on va vous verbaliser à hauteur de 150 euros, malheureusement. Attendez, les poubelles, lesquelles poubelles? Dégueulasse. Ah ben, vos poubelles que vous avez laissées l'autre jour. Attendez. Rien n'est trié, monsieur. Mais ils ont été ramassés. Ah ben oui, on les a ramassés, ben là, on vous les ramène. Ah ben oui, on va tout ramener, il y a du carton mélangé avec des... Attendez. Là, j'ai un concombre. Déjà, vous avez vu là, pour rappeler? Ah ben, monsieur, je suis désolé, mais vous êtes un véritable cochon. Cochon. Agoré. Moi aussi. Non. Alors, monsieur, moi, je ramène les poubelles, hein. Bah, vous faites ce que vous voulez, hein. Et vous me donnerez les 150 euros, hein. Ah oui, parce qu'il y a une amende. Ah ben, en liquide, en plus. Hein. Oui, bah, il y a intérêt, hein. Parce que sinon, je vous ramène la benne entière, on la fout devant chez vous, hein. Bah, allez-y, hein. De toute façon, c'est pas mon problème, là. On a plus de place à la déchetterie, nous. Oui. À cause de gens comme vous, monsieur, elle est pleine. Elle est pleine. Oui, bah, vous êtes là aussi, vous, quoi. Ah non, pas du tout. Pas encore. Je viens de prendre le service, quand même. Un petit peu de tenue. Oui, on a pris le premier pastis de la journée. Oh, oui, de toute façon, moi, je vais appeler la police, et puis c'est tout, hein. Ah bah, de toute façon, moi, je suis en communication avec monsieur le maire, donc vous pouvez y aller, oui. Hein. Oui, si vous dégueulassez notre commune, nous dégueulasserons chez vous. C'est le slogan. Bon, alors, monsieur, j'arrive dans 5-10 minutes avec les poubelles. T'as vu ça, Romano? Je t'ai fait en deux minutes le poubellier. Ouais, c'est ça. Les boueurs. Et je t'ai fait le maire juste derrière avec deux imitations magnifiques. Ah ouais, ouais, magnifique. On salue d'ailleurs tous ceux qui bossent dans les poubelles et qui nous écoutent tous les matins sur Skyrock. Bravo, 150 euros. Et un plein. Et voilà, c'est gagné. Nous, c'est 1500 euros qu'on va vous offrir d'ici moins d'un quart d'heure. Non, oui, moins d'un quart d'heure, parce qu'il est 6h47. Juste après 7h, 1500 euros à gagner. C'est pour vous, c'est sur Sky. Et dans un instant aussi, votre horoscope de l'amour, je vous en parlais, il arrive dans une minute. Et le sondage du jour, quels sont les étrangers qui vous font fantasmer? C'est la question qui a été posée aux Français. Juste après les vacances, parce que c'est pendant les vacances qu'on rencontre beaucoup d'étrangers. Oui. Eh bien, les Français ont testé les étrangers préférés des Français et des Françaises. On découvre ça dans un instant. Ceux qui se sont tapés cet été aussi, hein. Si vous avez des histoires à nous raconter là-dessus, n'hésitez pas, une petite histoire d'amour au 41-759 et sur l'appli Skyrock. Vous nous envoyez tout ça. Allez, l'horoscope dans une minute sur Skyrock. Et le son arrive aussi avec Designer et Panda. Panda. Attention, nouveau message de Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, wow, au lieu de 26,99€. 14,99€. Avec l'accès à des applis Android TV, oui, dont YouTube, oui, et Netflix. Mais attends, tu vas un peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. T'es... Normal, c'est du haut débit. Chez Bouygues Télécom, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. En ce moment, c'est le happy 55e anniversaire Auchan. Anniversaire veut dire cadeau. D'ailleurs, j'ai entendu parler de voitures à gagner. Oh, ben dis donc, ça m'intéresse. Attends, écoute. Jusqu'au 13 septembre, Auchan fête son anniversaire et met 55 Renault Twingo en jeu. Alors tentez votre chance chez Auchan et dans les magasins à deux pas. 55 Renault Twingo à gagner. Super. Et 10 Renault Twingo de plus sont à gagner dans les magasins Simply Market. Auchan, la vie que j'aime. Jeu gratuit sans obligation d'achat pour l'ensemble des magasins et sites participants. Voir règlement sur Auchan.fr. Happy égale euro. Et l'horoscope de l'amour, c'est parti à 6h49. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et oui, la puissance amoureuse calculée sur une échelle de 0 à 5. On va commencer par les gémeaux et les béliers. Y a-t-il un gémeau ou un bélier dans l'équipe ? Pas moi. Pas de gémeaux, pas de bélier. Non, non. Zéro. Attention, attention. Si vous êtes gémeaux et bélier, vous qui nous écoutez, ne faites pas confiance trop vite aujourd'hui. Restez prudent et tout se passera bien. Ne donnez pas carte blanche aux personnes que vous aimez. Méfiez-vous. Vous allez devenir parano avec l'horoscope. Numéro 1, les balances et les taureaux. Vous serez prêt à mentir pour séduire aujourd'hui. Faites gaffe à pas vous faire choper, pas vous emmêler les pinceaux. 2 sur 5, les poissons et les cancers. Ah, il y a un poisson dans l'équipe. Eh ouais, je suis là. C'est Cédric. Voilà, on est gâté. Poisson, cancer, 1 ou 1. Une amie pourrait avoir besoin de se confier. Mettez-vous à son écoute, on sait jamais, ça peut marcher. 3 sur 5, les lions et les capricornes. Pas de prise de tête pour cette journée. Une journée calme côté sentiments. Calme mais positive pour les lions et les capricornes. 4 sur 5, les verseaux et les vierges. Eh oui. Le W, verseau, vierge. Vous serez très porté sur le sexe aujourd'hui, Romano. Mm-hmm. Eh ouais, mm-hmm. Si vous êtes en couple, votre partenaire sera sur la même longueur d'onde que vous. C'est une bonne nouvelle. Et si vous êtes en mode solo, bon, on va essayer site de rencontre, on sait jamais. Car la chance est avec vous aujourd'hui, verseau, vierge. Et 5 sur 5, les meilleurs, les scorpions et les sagittaires. Ah. Personne ne pourra rivaliser avec vous. Et oui, car il y a violence mercredi. Ouais. Vous allez faire tourner les têtes. Mmh. Tourner les têtes, faire mal à la tête, tout ouais. Ça. La totale, quoi. C'est vrai que parfois elle fait mal à la tête. Mais c'est bon, vrai. Ça peut arriver, ouais. C'est une fille, c'est normal. Eh oui, aussi, oui, oui. Allez, on va parler d'amour dans un instant encore. Le classement des étrangers qui font fantasmer les Français pour les amours de vacances. Dites-nous si vous avez une petite préférence. Moi, j'aime bien les Italiennes, les Espagnoles, les filles du Sud en général. Mais bon, on va ouais, voir. Moi aussi. Ouais, à toi aussi. Les Espagnols, moi j'aime bien. Non, mais l'autre, moi, attendez, l'autre histoire avec des Russes, des Finlandaises. Et des Espagnols aussi. Et bon, bah, c'est évident. Bah, ouais, bah oui. Cédric, le monde entier sort avec lui. Bah ouais. Bon, on s'en occupe dans un instant sur Sky. Vous saurez tout. Le sondage du jour arrive, il est 6h50. Tous les matins, 6h, 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. I got broads in Atlanta, just a dolly in the family. Credit cards in the scammers, hitting no licks in the van. Legacies, family, why you see look like a panda? Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacies, family, why you see panda? Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Then the bullet you panda, but we killers on the stand. I got broads in Atlanta, just a dolly in the family. credit cards and the scammers, hitting the looks in the band. Legacy, family, why is it lit like a panda? Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacy, family, why is it brand? Package full, Danny, selling ball, candy. Man out the macho like Randy, the chopper go out for granted. Then they pull up your band, hope the killers understand me. Hey! Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. I get broads in Atlanta, twisted dopamine shoot, sip a Fanta. Credit cards in the scammers, wake up beside you, let it sign. Whole bunch of lettuce shoot, they be anti rent, I know we clap shoot. I be pulling my stuff in the fanny shoot. I got plenty just off of Bugatti, but look how I try to shoot. Black is six, Fanta, why is he killing no comma? Pop a perk, I got slime and gorilla, they come and kill you with bananas. For feelers, I feel it, pull up in the Fanta, no nigga, they come and kill you on the comma. But Rolly is dancing bigger than the panda, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, discount for digits, say you make you a lot of new money. No killers pull off in the end of the baby. CTDD pull off in the killer baby. Call a filler, feel like gon' fill it, baby. Lips up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning. The Bobby be trending. Chop the dawn, doing business. In the rave, doing the pool, I'm doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are bleeding. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, family, why is it lit like a panda? Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacy, family, why is it panda? Package full, Danny, selling ball, candy. Man out the macho like Randy, the chopper go out for Grammy. Then nigga pull up your band. Killers understand me. Panda. Panda. Designer sur Skyrock, il est fort ce son. C'était Panda, on prépare Ritza, on écoutera Je m'en fous dans un instant. Mais d'abord notre sondage du jour. Le sondage du morning de Diffoul sur Skyrock. Et oui, notre sondage du jour qui concerne les amours de vacances et les étrangers qui font kiffer les Français et les Françaises. Ouais. Alors Cédric, tu es de quelle nationalité? Moi je suis belge. Ça fait rêver. Eh ben non, les Belges sont derniers de mon classement. Dernier du classement, les Belges, oui, oui. Non, vous êtes, chelou, vous êtes derrière les Allemands. Mais non, derrière les Hollandais. Et derrière, les trois premiers qu'on va découvrir. Quels sont les étrangers qui font le plus fantasmer les Français pour un amour de vacances? Cariole, un petit fantasme comme ça, dès le réveil à 6h54. J'aime bien les Italiens, moi. Les Italiens. Ouais, ils sont beaux. C'est pour ça que tu forces Romano à t'amener en Italie. Tous les ans. Pour pouvoir le tromper. Pour pouvoir reluquer tout le temps. Ah, tu reluques. Qu'est-ce que t'aimes bien chez les Italiens? J'aime bien les bruns, moi. Les bruns, ouais. Donc, ils sont souvent bruns. Ouais, c'est vrai. J'aime bien les mecs typés, un peu. Un peu comme Diffoul, quoi. Un peu comme moi. Mais exactement. Regarde comme je suis brun. Bah, moi aussi, avant d'être chaud, j'étais brun. Ah, mais t'es pas italien. Bah, ouais, puis t'es pas brun, t'es chauve. Je pourrais être italien grâce à Cariole qui est italienne. Et oui, Romano, ça sonne un peu italien quand même. Ah, bah, Marie. Ouais. Romano, lui, c'est les Portugaises. Les Portugais qui sont évidemment devant les Belges. Hein. Je tiens quand même à vous le signaler, amis portugais qui nous écoutez. Vous êtes devant les Belges. Les Marocains sont devant les Belges aussi. Ah les, ouais les Algériens aussi. Bah, en fait, de toute façon, tout le monde est devant les Belges. Oui, c'est vrai, Cédric, c'était pour une petite info pour toi. Putain. Romano, tu kiffes quoi, toi? Ah, les Portugaises, ouais. Les Portugaises à cause de la gothique. Ah, et les poils aussi. Amis portugaises, on vous salue ce matin, bien sûr. Ah, j'adore. Ah, des beaux poils soyeux à caresser comme ça. Magnifique. Et Cédric, toi, c'était les Russes. Hein. Non, les Espagnols. Oh là, les Russes. Les Russes. Non, moi, j'aime bien les Espagnols. Coûtent un peu cher, mais elles sont gentilles. Coûtent cher, mais elles sont sympas. Hein. Voici donc le classement officiel. Les trois premières marches du podium. Médaille de bronze. Numéro 3. Numéro 3, les Espagnols. Eh, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Aïe, aïe, aïe. Les Espagnols sont troisième. Numéro 2. Numéro 2. Numéro 2. Alors, une idée pour les numéros 2, moi j'ai été étonné. Je sais pas, les Brésiliennes, tiens. Non. Les Anglaises. Oui, Cariole. Ah ouais, sont cochonnes, c'est pour ça. Ouais, je me suis demandé, les Anglaises. Bon, les Anglaises, il y a tout chez les Anglaises. Hein. Ouais. Surtout des filles avinées. Beaucoup. Ouais. Ah ouais, c'est peut-être parce qu'elles boivent. Elles aiment l'alcool, ouais. C'est ça. 13% des Français et des Françaises aiment les Anglais et les Anglaises. Numéro 2, l'Angleterre. Et numéro 1. Numéro 1. D'après vous? L'Italie. Eh oui, l'Italie. Les Italiens et les Italiennes. Eh ben voilà, les Latin lovers et les Latin loveuses sont numéro 1 du classement. Moi, il me va le classement. J'enlèverai les Anglaises, je mettrai autre chose à la place.

c'était Ritza sur Skyrock. Ritza qui sera suivi par DJ Snake, qui sera suivi de près par Bruno Mars. DJ Snake qui viendra d'ailleurs avec un pote à lui, Justin Bieber. Ah ouais, carrément. DJ Snake qui était venu mixer dans la radio libre le soir. On va le retrouver un instant, juste après les infos et juste après vos 1 500 €. Bon, on a les rendez-vous des conseils pas chers à 7h40. Le réveil de Star, ce sera à 7h10. Et on jouera Info et Mytho tout à l'heure. On fait Info et Mytho à 7h20. Allez, Info et Mytho pour un téléphone. Ouais, ou l'invité mystère, on verra. Info et Mytho, l'invité mystère à 7h20. De toute façon, votre téléphone a gagné. L'iPhone 6S est dans un instant, 1 500 € pour vous. Ah, bonjour à Mimi qui attend notre appel pour les 1 500 €. J'en ai vraiment besoin, je me marie l'année prochaine. J'espère qu'on t'appellera pendant cette nouvelle saison, Mimi, peut-être dans un instant. Hein. Et sinon, pour augmenter vos chances de gagner, je vous redonne le tuyau. 7-20-20, vous envoyez 1 500 au 7-20-20, vous vous inscrivez et on peut vous appeler dans la matinée. Ouais. Attention, 7-20-20, 1 500 et 1 500 € à gagner. Après les infos de Rémi, on fait le point sur l'actu à 7h02. C'est sur Skyrock pour être au courant de tout ce qui s'est passé. Et au courant de ce qui va se passer côté ciel, c'est maintenant la météo pour démarrer. Ouais, bah aujourd'hui il va faire beau hein, dans la plupart des régions, c'est plutôt sympa. Quelques nuages possibles quand même près de la frontière belge et des orages prévus dans l'après-midi sur le sud-est. Les températures ce matin comprises entre 15 et 22 degrés, 26 à 32 cet après-midi avec 28 en Ile-de-France et seulement 20 le long des côtes de la Manche. Et puis la pollution avec des indices moyens compris entre 4 et 5, 5 à Dreux, Rouen, Amiens, Metz, Lyon, Montpellier et Perpignan. Et toute l'actu sur Skyrock, l'actu et le sport, c'est parti. Et Chris Brown va-t-il une nouvelle fois devoir faire face au juge? Pas de réponse pour l'instant, mais ce qui est certain, c'est qu'il a été interpellé par la police. L'ex de Rihanna est accusé de violence par une ex-Miss Californie. Elle a appelé les secours après avoir été menacée avec une arme à feu pour une histoire de bijoux. La police s'est rendue chez la star qui a refusé d'ouvrir la porte tant qu'un mandat n'était pas présenté. Les policiers ont finalement encerclé la villa pendant près de 12 heures avant que Chris Brown ne se rende. Le chanteur a eu le temps de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Il dénonce l'acharnement des policiers contre les Noirs. Les couteaux qui s'aiguisent aussi bien à droite qu'à gauche à quelques mois de la présidentielle. On ne sait pas si Emmanuel Macron va se présenter, mais il compte bien peser sur l'élection. L'ex-ministre de l'économie a rendu son tablier hier après 2 ans passés à Bercy. Il dit vouloir retrouver sa liberté pour se consacrer à son mouvement politique En Marche. Et créé, vous le savez, en avril dernier, l'annonce était attendue depuis plusieurs semaines. C'est à gauche que les réactions sont les plus violentes. Certains n'hésitent pas à parler de désertion et de trahison. La passation de pouvoir avec Michel Sapin est prévue tout à l'heure à 9h. Autre démission surprise du gouvernement, celle de Georges-Paul Langevin. La ministre des Outre-mer quitte le navire pour raisons personnelles. Elle est remplacée par Erika Barex, jusque-là secrétaire d'État chargée de l'égalité réelle. Un policier agressé hier dans un commissariat de Toulouse. Le gardien de la paix a été poignardé et se trouve dans un état grave, même si ses jours ne sont pas en danger. L'agresseur s'est rendu sur place pour déposer une plainte après le vol de son téléphone. Il a été maîtrisé puis placé en garde à vue. L'individu est bien connu des services de police. Il a déjà fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. 2 médecins mis en examen pour homicide involontaire à Metz. Décision prise dans le cadre d'une enquête sur la mort en 2014 d'un enfant de 11 ans opéré pour une appendicite. Le jeune Corentin avait succombé à plusieurs hémorragies internes. Une découverte qui fait tâche et un mauvais coup de pub pour le soda le plus consommé dans le monde. 370 kilos de cocaïne ont été retrouvés dans un conteneur chez Coca-Cola. La drogue se trouvait dans une usine à Signes, dans le Var. Elle provient d'Amérique du Sud et sa valeur marchande est estimée à 50 millions d'euros. Aucun suspect n'a été interpellé et une enquête est en cours. On parle sport maintenant, fin du mercato, c'est dans quelques heures. Ah oui, le mercato de l'été qui baissera son rideau la nuit prochaine à minuit. Les fans de Paris devraient pouvoir se rassurer. David Luiz ne quittera pas le club de la capitale. Chelsea, qui l'avait vendu il y a 2 ans, a cherché à le récupérer pour 40 millions d'euros. Proposition refusée par la direction parisienne. Et puis, on pense que Blaise Matuidi va rester du côté de Paris. Mais, rien n'est sûr tant que le mercato n'est pas terminé à minuit. Tout est possible. Oui. On va encore un petit peu attendre. D'autre part, vous devez savoir qu'on en saura plus aujourd'hui sur le cas Mario Balotelli, Super Mario. Hein. Nice devrait officialiser l'arrivée de l'Italien aujourd'hui en prêt. L'annonce est attendue en fin de matinée. Mario Balotelli qui a un talent pur, mais quand même qui a beaucoup de frasques. Il est complètement starbé. Le mec jouait avec des fléchettes du haut de son appartement et il tirait sur les passants. Et il a détruit plein de bagnoles. Oui, il a détruit son. Il a eu des aventures avec des actrices porno, mais à foison. Enfin bref. Voilà. Oui, c'est ça. Des frasques. Oui, puis il fait des feux d'artifice à l'intérieur de chez lui. Ouais. Mais dans la maison. Hein. Enfin, une G à Marseille, c'est quasiment fait. L'attaquant camerounais va mettre fin à suspense qui a duré 1 mois et demi. Il est attendu dans la journée pour signer son contrat. Pour un petit rappel quand même, la visite médicale date de fin juillet. Hein. Donc ça a traîné en longueur. Merci Rémi pour les infos. On te retrouve dans une demi-heure. Il est 7h06 sur Skyrock. Le morning de Difool en mode Pokémon. C'est quoi ce Pokémon? Difool est Tarinor. Tarinor. Romano est Escrococo. Cédric est Ronflex. Le morning de Difool version Pokémon, c'est maintenant sur Skyrock. Non, mais version Pokémon, mais c'est quoi cette histoire de Tarinor là? Tarinor, c'est un personnage qui a un gros nez. Mais je sais, vous m'avez expliqué, je connais Tarinor, c'est un personnage qui a un gros nez. Mais quel est le rapport avec moi? Bah t'as grosé. Ça tient pas debout cette histoire de jingle là. Moi ça me va, escrococo. Oui bah oui, escrococo. Et Cédric Ronflex, ça va. Ouais, Ronflex, oh, aussi, ouais. Ronflex, c'est vrai, c'est très bien. Ça me dérange pas. Bon, vous êtes là en direct avec nous, Cariole est là aussi. Ah, ouais. Cariole et tous ses téléphones. Vous pouvez nous appeler au 01 53 40 30 20 si vous voulez débarquer ici. Il y a Sam qui est sur les réseaux sociaux. Tout se passe bien sur les réseaux sociaux. Tout se passe bien, j'ai dit comme quoi on allait gagner 1 500 € dans 2 minutes. C'est bien, mais tu as raison, mais tu peux rectifier ton message parce que c'est pas dans 2 minutes, c'est maintenant, tout de suite. C'est maintenant tout de suite. Bah, voilà, tu peux enlever ton poste. Voilà, enlève ton poste avec une erreur dedans là. Il l'écrit il y a 2 minutes, c'est bon. Réseaux sociaux, hashtag Morning de Diffoul, si ça. Vous voulez envoyer des messages. Bon, c'est parti, les 1 500 € à gagner, puis le réveil de star arrive sur Skyrock. Ouais. Réveil de star, aujourd'hui on a décidé de mettre à l'honneur le cinéma, c'est mercredi, jour de sortie ciné. Et dans le cinéma cet été, il y avait un film qui a cartonné, enfin il y en a plusieurs qui ont cartonné, on en parlait tout à l'heure. Et un des films qui ont cartonné, eh bien c'est Camping. Eh oui. Camping, ça rappelle les vacances. Exactement. Tiens, racontez-nous vos histoires de camping. Si vous avez des trucs rigolos qui vous sont arrivés dans les campings, vous pouvez nous envoyer vos messages au 41759 et sur l'appli Skyrock. Allez-y, c'est gratuit. Profitez. Ouais. Vous nous envoyez ça et vous nous dites ce qui vous est arrivé dans, bah, ou cet été ou dans votre vie de vacancier dans un camping. Romano, toi, tu étais dans de nombreux campings et tu as quelques histoires à nous raconter. On va s'en occuper dans un instant. Pas de problème. D'abord, les 1 500 € à gagner. Je t'ai vu me prendre l'enveloppe, Romano. Ah, bah oui. Ça y est, le tirage au sort. Ouais, le tirage au sort est effectué. Ouais, oh, c'est bon. Appelez. Comment gagner 1 500 € en moins d'une seconde ? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show. Et ouais, moins d'une seconde pour gagner 1 500 €. C'est bien cher payé, c'est bien. Hein. Et moi, j'ouvre l'enveloppe. Vas-y, fais-toi plaisir. Et nous allons à Paris, la capitale. Attention les Parisiens, les Parisiennes. C'est peut-être chez vous qu'on va maintenant. Chez Michel. Michel Salmon. Michel Salmon, tiré au sort. À Paris. 1 500 € pour augmenter vos Skyrock. Ouais. Oh, bah c'est occupé chez Michel Salmon, c'est bien con, dis donc. Vas-y, refais Cédric, on sait jamais. Allez, vas-y. Des fois que t'es fait une fausse manœuvre, ce qui n'arrive jamais, bien sûr. Ah non, jamais. Ça m'étonnerait, moi aussi, qu'il ait fait une fausse manœuvre, parce que c'est vrai que ça ne lui arrive jamais. Eh bah voilà. Bah tu vois, Cédric, c'était pas une fausse manœuvre. Eh non. Eh bah, ben, Michel Salmon, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Il téléphone à 7h du matin. 7h09. Eh bah, désolé pour Michel, on garde le chèque pour le prochain coup. Le prochain coup, c'est dans pas longtemps, puisque je vous l'ai annoncé en début de semaine. Jusqu'à vendredi, au moins, on vous offre 1 500 €. Eh bah, toutes les demi-heures. Ouais. 1 500 € à gagner, c'est facile. Eh, d'ailleurs, 1 500 €, c'est tombé hier matin deux fois. Écoutez ouais. Bien. Allô? Oui, bonjour Nicolas Alexandre. Oui. Quelle est ta radio préférée, Nicolas Alexandre? Bah, Skyrock. Eh bien, Nicolas Alexandre, tu viens de gagner ce matin 1 500 € en direct. Bravo, sur Sky. Bravo, bravo, bravo. Oh, bah, merci, hein. Eh bah, de rien, au réveil, ça se passe comme ça, c'est sur Sky. 1 500 € à gagner, à 7h30, on recommence. Et à 7h09, DJ Snake et Justin Bieber. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Give up now. Let Me Love You, le son de DJ Snake avec la voix de Justin Bieber à 7h13 sur Skyrock et le réveil de star. On va retrouver Patrick Chirac dans Camping. C'est un des films qui a cartonné cet été. On parlait des films qui ont cartonné cet été. Bah, Camping en fait partie. Ouais. Et Camping, c'est toujours de bons souvenirs de ce qui se passe dans les campings. Alors? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il se... On n'attend pas Patrick? Ah, bah, si, on l'attend, bah, Patrick, on l'attend. Il arrive dans un instant. Patrick va réveiller les Français, là, ce matin, là. Moi, j'ai de bons souvenirs en camping. Je me souviens d'un truc. Le camping, c'est sympa. Sauf quand il pleut. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ah bah pleut. Ça, quand il pleut, c'est galère. Et ouais, tu te réveilles les pieds dans l'eau. Moi, ça m'était pas arrivé à moi, c'était arrivé avec des potes, parce qu'on avait plusieurs tentes, et il y avait une tente des potes qui était juste en dessous de la nôtre. Ils ont bien fait de prendre cette place, parce qu'un matin, la tente s'est transformée en piscine. Vous imaginez le camping 2 étoiles, donc un camping pas très cher, qui fait piscine, c'est quand même la classe. Non, mais faut creuser des tranchées. Tout ça grâce à une inondation. Ben, ils avaient oublié de creuser. Ah ouais, bah, moi, je faisais les tranchées, moi. Ouais, mais toi, t'es un spécialiste du camping. Je suis un peu le Patrick Chirac de Skyrock. C'est Romano. Non, bon, il y avait eu des problèmes, c'était à cause des jeux de boules. Des jeux de boules? Ouais, parce qu'en fait, les gens jouaient aux boules. Oui. Et un jour, il y a eu un drame. Qu'est-ce qui s'est passé? Un gosse, en fait, qui a acheté une boule sur une caravane. Oh là là. Ça a niqué la caravane. Là, il y a le proprio de la caravane. Il est venu, il lui a mis une tarte dans sa gueule au gosse. Très bien, mais moi j'aurais fait pareil, moi. Ça part tout seul dans ces moments-là. Ah ouais. Ce qui s'est passé, c'est que le père du gosse est arrivé vers le mec. Ils ont commencé à se foutre sur la gueule. Et l'année d'après, il n'y avait plus de boules. Il y avait un arrêté municipal. Les boules interdites dans le camping. Les gens allaient jouer sur un parking à l'extérieur pour éviter tout genre de problèmes. Ah, c'est logique. J'imagine, oui. Ah bah ouais, il vaut mieux faire attention. Ouais. Cédric, t'as jamais fait de camping? Si, si, j'en ai fait. Ah, t'as fait du camping? Ouais, en colonie. Putain, j'aurais pas aimé dormir avec toi. Hein. Ah, mais laisse tomber. Déjà, il passe sa vie. Mais même dans la tente à côté, le mec passe sa vie à ronfler. Enfin, sa nuit à ronfler. Encore, je ronflais pas à l'époque. Je ronflais pas à l'époque, ouais. Mais il fallait monter la tente, c'était une galère avec les sardines, les machins. Ah bah ouais, mais c'est le camping. C'est ça la joie du camping. Oh putain, les carioles, je l'ai amené une fois au camping. Et alors? Ah bah, c'est bien le style, aimer le camping. Non, mais elle a pas dormi de la nuit parce qu'elle. Tiens, on rentre dans la tente, elle me dit, mais il n'y a pas de verrou. Il y a pas de verrou, tu sais. Ben non, j'aime pas trop, moi. Il y a une fermeture éclair en général. Et quand je vais aller aux toilettes. Alors qu'elle avait envie d'aller. Elle a cherché les toilettes dans la tente. Non, mais non. La nuit, elle voulait pas aller aux toilettes toute seule. C'est-à-dire que quand elle avait envie d'aller faire pipi, elle me réveillait genre à 3h du matin. Romano, j'ai envie de faire pipi. Je fais un pisse dedans, allez. Allez, vas-y. Merci pour les messages que vous nous envoyez. Madara qui nous dit, moi j'étais au camping. Il y a une fuite des tuyaux toilettes. Je vous dis pas l'odeur dans tout le camping. Berk. Ah, les tuyaux des toilettes qui ont explosé, pas de chance. Ah mais moi il y a une année, il y avait une histoire avec un pervers, le mec avait fait des trous dans les cloisons des des douches et il matait les jeunes. Voilà, fallait pas raconter cette histoire. Ah, mais on se connaissait pas encore à l'époque. Je suis mal à l'aise. Ah ouais, non. Cédric, tu l'as fait, non? Non. Ah, les douches, les sanitaires dégueulasses dans le camping où on est allé il y a 2 ans, on n'y a plus jamais remis les pieds. Heureusement, cette année, ça s'est bien passé. Ouais, mais dis-toi. C'est Melka qui nous envoie le message. Les sanitaires, ils sont sales, c'est pas à cause du camping, c'est à cause des gens qui sont dans le camping. C'est vrai. Ouais, mais un peu à cause du camping qui nettoie pas aussi parfois. Ah, mais des fois, tu sais, ils nettoient. Moi, c'est déjà arrivé, je vais dans la douche. Tu sais, il y avait la queue pour les douches, je me dis, ah, ils sont cons les gens, il y a une douche de libre. En fait, j'ai ouvert la porte, j'ai compris pourquoi ces gens ne l'avaient pas, il y avait un mec qui avait fait caca dedans. Ah, il s'était trompé, il avait confondu les douches et les toilettes. Tu sais, t'avais un colombin posé par terre. Tiens, Fabrice, il dit, moi j'étais dans le cabanon sanitaire pour prendre une douche, j'y rentre, mais la porte ne fermait pas à clé, il fallait se débrouiller pour bloquer la porte. Ah ouais, ouais. Ça, c'est le même pervers qui a fait péter la serrure. Absolument. Oui. One love dit rien. Ah, excuse-moi, Cédric, fallait pas que je raconte. Merci Fabrice pour le message. Et allez, à 7h16, réveil de star. Le réveil de star. Une star. Une star. Un appel. On écoute. Et un nouveau Jean-Pierre. Un nouveau Jean-Pierre qui est réveillé par Patrick Chirac ce matin. C'est le réveil de star. Hey Jean-Pierre. Allô. Allô. Salut. Salut. C'est qui? Patrick. Et toi? Ah, moi c'est Jean-Pierre. Je peux te parler? Oui, pas de problème. Et je vais vous dire un truc, les gars, je crois que j'ai atteint la maturité. Ouais. Vous avez devant vous le nouveau Patrick Chirac. Le Patrick, pas pour l'amour. Ah, bah c'est bien. Je te vois jamais au Shogun. Où ça? Au Shogun. Au Shogun. Bah j'y vais jamais. Ouais, enfin cette année, il passe un petit peu de R&B quand même. Moi, je m'adapte à la chanson. Bah c'est sûr, sur Dijon, je sors dans des boîtes un petit peu plus branchées quand même. Hein. Ah ouais. Tu sors où sinon? Bon. Pff. Par là, ici, par ici. Ça sert pas. Si, vous enlevez les boîtes, mais 25 ans. Tu vois, Jean-Pierre, tous les ans, je me fais un nouveau copain. Et cette année, j'ai l'impression que ça va être toi. Oh, pauvre gobo. Mettons les choses au point tout de suite, Jean-Pierre. Hein. Tout ce qui concerne la vie privée, je suis une tombe. Ouais. Tu cries quand tu jouis, toi? Ouais, bien sûr. Oh mon Jean-Pierre. Eh ouais. Bon allez. Ah bah salut. Faut que je finisse mes rangements, faut que je me change. Et puis surtout, tu dis rien à personne, hein, parce que les au revoir, ça m'oppresse. Ah, bon, si tu veux. Bonne journée, JP. Ah, salut. Alors, on n'attend pas Patrick? Ben on n'attend pas Patrick, c'est Jean-Pierre qui va t'attendre. Ah ben ouais, ça y est, il s'est trouvé à nous un copain. Il était gentil, Jean-Pierre. Ben oui, un copain, ça lui a fait de la compagnie un peu. Voilà, et il crie quand il jouit. Ouais, ah ouais, ouais, ouais. Avec la voix qu'il a, j'ai pas envie de vraiment envie de l'entendre jouir, mais en tout cas, c'est une bonne info qu'on a eue. Hein. Ah non, je vais pas au Shogun. La rencontre. Non, lui, Jean-Pierre, il va pas au Shogun. Non. La rencontre Jean-Pierre, Patrick Chirac et camping ce matin à 7h18. Dans un instant, on va jouer ensemble. On joue à quoi ce matin? Allez, un invité mystère ou un info mytho? C'est comme vous voulez. Tiens, choisissez, dites-nous, vous voulez quoi? Invité mystère, info mytho? En tout cas, le cadeau, c'est un iPhone 6S. Dans tous les cas, vous gagnez votre iPhone 6S. Tiens, vous pouvez nous dire 41759, skyrock.fm, on attend vos messages. Et avec l'appli Skyrock, le temps de choisir le jeu auquel on va jouer. Allez, un gros souvenir, je vous avais promis Bruno Mars. Il est là, Bruno Mars, tout de suite, avec Just the Way You Lie. Rappelez-vous, ça, c'était bien, hein? Just the Way You Are, d'ailleurs, je crois. Ouais, mais il y avait une version originale qui était sortie en 2014, ah, ouais, qui s'appelait ouais. Just the Way You Lie. Eh ouais, bon, tu veux qu'on écoute Just the Way You Are? Oui. Allez, c'est parti, c'est Bruno Mars, maintenant sur Skyrock à 7h19. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. She won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when I see you. Tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. The Way You Are, Bruno Mars sur Skyrock à 7h22. On se prépare à écouter Calvin Harris et Rihanna. On écoutera du Ken Jones aussi avant 8h du matin. On a prévu un petit Maître Gims aussi. D'ailleurs, vos places à gagner pour Maître Gims, c'est évidemment sur Skyrock. Quand on est avec Skyrock, Maître Gims dans toute la France, c'est des places à gagner dans le morning avant 9h. Ouais. Préparez-vous dans 10 minutes. 1500 euros à gagner. Et tout de suite, le jeu que vous avez choisi. Alors, vous êtes un peu énervé dans les, dans, au standard, vous avez fait les comptes et c'est pratiquement égalité. C'est ça. Bah, il faut choisir, vous voulez quoi? Invité mystère ou alors info ou mytho? Ouais, allez, moi, je veux inviter. Moi aussi. Invité mystère, allez. Invité mystère et au standard, c'est qui a gagné? Parce que votre avis à vous, il m'intéresse. Mais moi, je voulais surtout l'avis des auditeurs. L'invité mystère. Ça vote pour l'invité mystère. Ouais, 51%. Ouais. 50. Ah oui, c'était serré. Ah oui, c'est serré, ouais. Serré, ouais. Bon, alors on va faire l'invité mystère. L'invité mystère qui est une émission mystère à découvrir. Et on fera info ou mytho dans une heure. Une émission mystère parmi les émissions de télé-réalité qui sont lancées à la rentrée. Mais c'est un truc de fou. Je sais pas si vous avez zappé sur la télé aux alentours de 19h. Mais il y a de la télé-réalité partout. Ah ouais, ouais. Tu vas sur W9, télé-réalité, les ch'tis contre les ch'tis, les Marseillais contre le reste du monde. Ouais. Tu vas sur la 12. Alors ça, c'est abominable. La revanche des ex. Ouais, et puis il y a un truc qui s'appelle Sorry, je me marie. C'est abominable. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est des trucs. Et tu vas sur NT1. Alors eux, de ce matin, 11h jusqu'à ce soir, 1h du matin, c'est que. Je vous assure, c'est vrai. Hein. C'est vrai. C'est que Secret Story. C'est Secret Story TV. Voilà, c'est ça. NT1, ils devraient changer de nom. Hein. Secret Story TV, ils devraient appeler ça. Eh bien, je vais vous faire découvrir une émission mystère parmi toutes ces émissions de télé-réalité. Écoutez bien. L'invité mystère. L'émission à découvrir pour gagner l'iPhone 6S. Les réponses, vous les envoyez au 41-759 avec vos portables ou alors avec vos portables aussi, vos smartphones. Avec l'appli Skyrock, vous nous envoyez tout ça et vous laissez bien vos numéros de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler si vous gagnez. Écoutez bien, voici donc l'émission à découvrir. La Première Guerre mondiale, elle a commencé quand, elle a fini quand? Je le sais, on l'a déjà sorti celle-là. Ouais. 24. 24. Donc, 24. Bon, alors 24, 1924, 1824, 24 après Jésus-Christ, 24 avant Jésus-Christ. Ah bah ça, on n'a pas de précision là. Ah ouais, c'est une nouvelle question sur la guerre mondiale, mais ils sont très forts en histoire géo. Hein, ah ouais, ouais. Puis surtout la meuf, elle dit, ah bah ouais, j'ai déjà entendu ça. Alors dans quelle émission on a chopé ça? Vaguement, j'ai déjà entendu un truc un jour. Bah ouais, on a déjà fait un quiz, on a fait le même quiz. En fait, ils font toujours les mêmes quiz ouais, dans ces émissions. Ouais, hein. Ça fait 10 ans que... On a fait un quiz il y a 15 jours, on m'a posé exactement la même question. Alors dans quelle émission on a trouvé ce petit extrait? Ah, la meuf s'appelle Jessica, c'est une cruche. Mais moi, elle me fait rigoler, elle est sympa. Hein. Mais elle est conne. Oui, bah, elle a pas l'air d'avoir inventé la poudre, celle-là. Ah, ouais. Ah bah non. Hein. La Première Guerre mondiale, elle a commencé quand, elle a fini quand? Je le sais, on l'a déjà sorti, celle-là. Ouais. 24. 24. Ah, 24. Attends. Et les cons derrière qui rigolent. Je suis mort de rire. Mais je les comprends. Allez, vos réponses très vite et on revient tout de suite sur Skyrock. Avec j'allais dire la réponse. Avec l'émission mystère. Ouais. SCH. Allô maman, allô maman, ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman, allô maman, j'aime pas tes rides, tes cheveux blancs. Allô maman, allô maman, j'crois que t'as besoin. Repos. SCH, allô, nouvel album disponible. Allô maman. Géant. Ce sont toujours les jours imbattables chez Géant. Jusqu'à mercredi dans votre Géant, bénéficiez d'une réduction de 40% sous forme de bon d'achat sur la machine Tassimo Bosch Noire, nettoyage automatique, compatible système Senseo à 129€, soit un bon d'achat de 51,60€. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable sur l'ensemble du magasin du 1er au 7 septembre. Bon les gars, qu'est-ce qu'il y a? La rentrée approche et j'ai rien à me mettre. Bah fais comme nous. Pour additionner look de ouf et nouveautés sans se ruiner, on va chez Célio. Regarde, en quelques clics, t'es branché sur leurs actus, les tendances et les bons plans. Tiens, en ce moment en magasin, avec l'offre 1 plus 1 égale 3, pour deux articles achetés, le troisième est offert. Pour deux articles achetés seulement, le troisième est offert? Eh ouais. Allez les gars, on fonce chez Célio. Voir conditions de l'offre en magasin ou sur Célio.com. Rejoignez-nous sur notre page Facebook. Attention, nouvel événement Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. 14,99€. Avec 170 chaînes TV, oui. Plus le replay, oui. Plus 5000 films en VOD. Mais attends, tu vas un peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. Normal, c'est du haut débit. Chez Bouygues Télécom, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. La Matmut assure les enfants de l'école à l'université. Quand ils sont enfants, je comprends, ils sont turbulents. Oui, et quand ils sont étudiants, il faut aussi une assurance pour l'appartement. En fait, la Matmut les suit durant toute leur scolarité. Oui, de l'école à l'université. dans les limites et conditions définies au contrat assurance scolaire et habitation étudiant. Je sais pas chez vous, mais chez nous, pendant les vacances, on a tout partagé. Même la fumée du barbecue du voisin. C'était quand même chouette. Alors à la rentrée, on continue de tout partager. Mais surtout les gigas de nos forfaits. Avec SFR Family, partagez les 40 gigas de votre forfait Power Family avec les membres de votre famille sur leur ligne Starter Mini à partir de 99 centimes par mois pendant un an, puis 5,99€ par mois. Enfin une offre avec plus que des gigas. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre valable jusqu'au 3 octobre pour les clients box multipack avec engagement, un forfait Power Family et un Starter Mini 100 mégas. Prix sans mobile, engagement 12 mois, conditions sur sfr.fr. Dis donc, la rentrée est à moins 50% chez But. Mais ils font pas les choses à moitié. Je viens de te dire le contraire, elle est à moins 50% la rentrée. Non mais c'est une expression, c'est comme couper les cheveux en quatre. C'est pas une expression, c'est mathématique. C'est la rentrée no stress chez But. En ce moment, profitez de moins 50% sur de nombreux produits. Oui, jusqu'à moins 50%. But, c'est nous. Produits et réductions signalés en magasin et sur but.fr. En ce moment, c'est le happy 55e anniversaire Auchan. Chérie, si on se fera un nouvel ordi. Ou une tablette. Jusqu'à mardi chez Auchan, pour l'achat d'un ordinateur portable Lenovo 15 pouces, la tablette Lenovo 7 pouces est à 1 euro. Soit l'ensemble à 379 euros au lieu de 457 euros. 379 euros les deux, super. Et profitez-en aussi sur Auchan.fr. Auchan, la vie que j'aime. Donc 40 centimes d'éco-participation, tablette TAP 2, 7, 10, vendue seule, 79 euros. Ordinateur G5045, happy égale heureux. Attention, la réponse, l'invité mystère à découvrir tout de suite. C'est une émission aujourd'hui qu'on a à découvrir, attention. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Amis de la culture, bienvenue. On va se cultiver maintenant grâce à une participante des... de l'émission Mystère, je vous donne la réponse. Elle s'appelle Jessica. Dans un instant, écoutez bien, c'est elle, Jessica, et la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, elle a commencé quand, elle a fini quand? Je le sais, on l'a déjà sorti celle-là. Ouais. 24. En 1924. 14. Ou en 1824. Ouais. 24, pas là, 24. Dans ces jours-là, ouais. Et à 10 ans près, attends. Ah, elle était pas loin. À 10 ans près, elle était pas loin. Bon, où est-ce qu'on l'a chopé celle-ci? La bonne réponse, c'est Mickaël qui va nous la donner. On file à Rouen. Salut Mika. Salut l'équipe, ça va? Salut Mika. Ça va bien Mickaël, t'as 28 ans, t'es à Rouen, t'es normand et t'as la bonne réponse. On parle de quelle émission ce matin? Alors on parle des Ch'tis et des Marseillais contre le reste du monde. Exactement, et c'est Jessica la blonde là. Moi elle me fait mourir de rire. Elle est gentille mais elle est bête. Elle a pas l'air d'être une génie quoi. C'est pas ce qu'on leur demande. C'est pas une foudre de guerre, c'est vrai que c'est pas non plus ce qu'on leur demande. Ah bah ça tombe bien parce qu'elle n'y arriverait pas. Mickaël, on te demandait la bonne réponse, toi tu nous l'as donnée, t'as bien fait de nous envoyer un message. Et ouais. Tu gagnes ton iPhone 6S. Bravo Mickaël. Bravo. Super, merci l'équipe. Et voilà, super. Un iPhone 6S pour toi, on en a un autre en stock, on vous mettra en jeu dans 50 minutes à 8h20, jouera à Info Mytho. Alors cette belle Jessica, charmante participante des Ch'tis contre le reste du monde. Alors elle est Ch'tis, elle. Elle va nous... Elle est Marseillaise. Ah, je crois qu'elle est Marseillaise. Elle est Marseillaise. Elle est Marseillaise. Elle est Marseillaise. Et oui, elle est blonde, mais elle est Marseillaise. Ah, le générique, magnifique. Toujours magnifique, les génériques de W9. Des grosses productions. Ting, ting, ting, ting. Mais en fait, c'est tous les mêmes, les génériques. Ah, bah, et puis il est déjà éteint. Il aura pas duré longtemps. Touche ton bouton, Romano, et le générique est reparti. Eh, magnifique. Chez nous, même la musique a du mal à passer dans notre message. Ah, ouais, c'est parce que. Ça fait des faux contacts. Exactement. Les Ch'tis contre le reste du monde. Et alors, on se cultive, j'avais promis. Voici Jessica dans toute sa splendeur. En quelle année Christophe Colomb a découvert l'Amérique? Ah bah 1945. Ah bah oui, attends, ah bah évidemment. 1945. Ouais, elle était un peu à la bourre. Cédric, c'est quelle année? C'est 1914. Ouais, 1914, Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1914. Non. Bravo Cédric. Cédric, je t'annonce que tu rentres tout de suite. Je crois que tu parles de la Première Guerre mondiale. Dans les Ch'tis contre les Marseillais avec un Belge dedans. Hey, Jessica, c'est pas ta meuf. Ouais, non, c'est mon ex. C'est elle qui t'a appris des trucs, c'est pas possible. Non. Ouais. Alors attention. La culture générale, je déteste. Ah bah écoute, on avait remarqué. Ouais, la culture t'aime pas trop non plus. La culture, tu détestes, mais la culture ne t'aime pas trop non plus, Jessica. Elle est pas très intelligente, mais il y en avait d'autres qui étaient pas mal. Hein. Je me souviens de comment elle s'appelait, l'autre idiote, la Kim, avec la Première Guerre mondiale aussi. Ah oui, mais les guerres, ils ont toujours du mal dans ces émissions. La Première Guerre mondiale, elle était en 1945. Et voilà, 1945, non. Très bien. Alors, vous avez bien noté, Cédric nous a annoncé que l'Amérique a été découverte en 1900. Combien t'avais dit 15. Ah, mais non, je me suis trompé, ouais. Non, 14. Attends, 1914. Je me suis trompé, mais pas tant que ça. Non, mais je confondais avec la Première Guerre mondiale, c'est Kim pour ça. Kim nous annonce que la guerre mondiale, la première, a eu lieu en 45. On est tout perdu, là. Et Jessica nous annonce que la Première Guerre mondiale, c'était en 26, mais elle sait pas dans quel siècle. Ouais. Voilà. Et bah, écoutez, tout ça, c'est très bien. Ah, c'est bien, un bon cours d'histoire. Merci les Ch'tis, merci les Marseillais pour un petit peu de culture, ça fait du bien. bien. Merci les génies. En cette veille de rentrée. Parce que voilà, un peu de révision. Voilà, on a révisé pour les étudiants qui nous écoutent. Bah, bon courage, Mika. La journée a bien démarré. Un iPhone 6S ouais, pour toi. Super. Merci à vous. À salut, Mika. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Et dans un instant, elle arrive. C'est Rihanna. Rihanna avec Calvin Harris à retrouver sur Skyrock. Les 1 500 € aussi. Toutes les demi-heures. Et ouais, pendant toute la semaine, on vous offre 1 500 €. Toutes les demi-heures, c'est pas toutes les heures, c'est toutes les demi-heures à gagner. Nouveau tirage au sort. Dans un instant, mais oui. Les conseils pas chers aussi à 7h40. C'est le nouvel horaire des conseils pas chers. Ouais. Et le loser du jour à découvrir, ce sera à 8h-10. Mais tout de suite, l'actu, c'est Rémi. On fait le point et on commence par la météo pour aujourd'hui. Et ben, il va faire chaud aujourd'hui. Il va faire chaud et puis il va faire beau aussi. Hein, une belle journée avec un beau soleil, quelques nuages possibles, c'est vrai, près de la frontière belge. Et des orages prévus par contre dans l'après-midi dans le sud-est. Et puis les températures comprises ce matin entre 15 et 22 degrés, 26 à 32 cet après-midi, avec 28 en Ile-de-France et seulement 20 par contre le long des côtes de la Manche. Et puis la pollution, bah, ça reste moyen. Les indices compris entre 4 et 5, 5 à Dreux, Rouen, Amiens, Metz, Lyon, Montpellier ou encore à Perpignan. Et l'actu et le sport tout de suite sur Skyrock. Deadly Weapon, soit en français, soupçon d'agression avec une arme à feu. On vous en parle depuis hier soir sur Skyrock. Chris Brown a de nouveau des ennuis sérieux. Il est accusé d'avoir menacé Bailey Curran, qui n'est autre que l'ex-Miss Californie. L'affaire s'est déroulée au domicile du chanteur à LA, Los Angeles. La reine de beauté admirait un magnifique diamant exposé par un ami de Chris Brown. Quand il s'est énervé, il lui a demandé de dégager. En mode un peu gangsta, il lui a mis un flingue sur la tempe. Bon, la victime présumée prise de peur. Comme tu fais bien, Chris Brown. Ouais, je trouve aussi, ouais. La victime présumée prise de peur a quitté la villa et a appelé les secours au call 911 911. La police s'est rendue sur place. L'ex de Rihanna a refusé de leur ouvrir ses portes tant qu'il n'avait pas de mandat. Le petit manège a duré 12 heures avant qu'il ne se rende aux forces de l'ordre. Il a eu le temps de s'exprimer sur les réseaux sociaux et de pousser un coup de gueule en insultant la police. Il affirme qu'il était en fait tranquillement en train de s'occuper de sa fille et qu'il n'a strictement rien à se reprocher des policiers qu'il juge idiots et qu'il qualifie de pire gang du monde. You're the worst gang in the world, the police. And I said it. Fuck you. Fuck you, the worst gang in the world, the police. Chris Brown. Il se dit déterminé à transformer la France dès l'année prochaine. Reste à savoir s'il compte peser sur la présidentielle ou carrément devenir président. Le mystère reste entier autour des ambitions d'Emmanuel Macron qui a quitté le gouvernement hier. Le désormais ex-ministre de l'économie s'en va après 2 ans passés à Bercy où il sera remplacé ce matin par Michel Sapin. L'ancien banquier de chez Rothschild souhaite se consacrer à son mouvement En Marche. 800 000 profs sur le chemin de l'école ce matin. C'est la traditionnelle pré-rentrée dans les 64 000 établissements en France. Les élèves sont attendus demain et vendredi. D'ici là, c'est une nouvelle polémique qui s'invite concernant les prochaines vacances. Le calendrier a été dévoilé et puis là, surprise, les congés de la Toussaint débutent un mercredi pour s'achever 15 jours plus tard, un jeudi. La Fédération des parents d'élèves ne comprend pas et estime qu'il est difficile de faire garder les enfants en plein milieu de semaine. Les pros du tourisme de leur côté parlent d'un non-sens économique. Le ministère de l'Éducation ne reviendra pas sur sa décision et souhaite respecter le rythme des enfants, à savoir 7 semaines travaillées avant les vacances. L'incompréhension des étudiants de Reims, l'université a décidé de supprimer sa licence de psychologie. 1200 élèves inscrits pour cette formation sont donc laissés sur le carreau. L'établissement explique avoir pris cette mesure pour raisons budgétaires. Le problème pour les étudiants, c'est qu'ailleurs les inscriptions sont déjà closes. Une pétition a été lancée. Et on fait le point sur le foot avec les ambitions de Grizzly. Demain c'est le match en Italie. Les déclarations d'Antoine Griezmann très attendues, c'était hier. L'un des leaders des Bleus est arrivé à Clairefontaine concernant ses nouvelles responsabilités. Et bien pas de pression, l'attaquant affirme qu'il ne va rien changer, qu'il fera de son mieux sur le terrain. Il ne souhaite plus évoquer l'Euro car il estime que ça y est, c'est derrière lui et qu'il faut désormais se tourner vers l'avenir, à savoir le Mondial 2018. On verra ce que ça donne demain en match amical contre l'Italie et surtout mardi prochain en match qualif contre la Biélorussie. On a besoin de ces 3 points. Oui, de match à suivre sur Skyrock. Demain, Italie, France, ça se joue à Bari. Allez les Bleus. Et allez les Bleus. Et merci Rémi pour les infos. On te retrouve dans une demi-heure pour la suite. Il est 7h36 sur Sky. En direct de l'appart. The Morning Show. C'est le Morning de Default sur Skyrock. The Morning Show. Et à 7h50 tout à l'heure, comme tous les matins, on découvrira le loser du jour. D'ailleurs, faut qu'on remette le prix parce qu'on se réunit dans l'équipe tous les matins et on a un prix de loser du jour à remettre à quelqu'un. À qui on va le remettre ce matin? Eh bien, à découvrir avant 8h. Dans un petit quart d'heure, on retrouve aussi l'horoscope de l'amour et puis les conseils pas chers. Et ce matin, Romano, un conseil pas cher qui peut être utile à tous ceux qui sont en voiture. Oui, attention, des arnaques tournent. Oui, une vraie arnaque que tu vas dénoncer et que tu vas bien sûr tester. Ah bah oui, tester évidemment, ouais. Dénoncer et tester dans un instant. Une arnaque qui a été très à la mode, c'était du côté de Nantes. Il y a même un des mecs qui faisait l'arnaque qui s'est fait arrêter. Très bien. Je vous raconte l'histoire et après on teste l'arnaque en direct. Ouais, conseil pas cher qui arrive, mais tout de suite 1500 euros à gagner. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show. Eh oui, il faut répondre Skyrock et l'enveloppe, je viens de l'ouvrir. 1500 euros à gagner du côté de l'Est de la France ce matin. Si vous nous écoutez dans l'Est de la France, vous allez peut-être gagner 1500 euros en Lorraine plus précisément, en Meurthe-et-Moselle encore plus précisément, et pour être vraiment précis, à Nancy. Vous nous écoutez à Nancy, vous allez peut-être gagner 1500 euros. On appelle la famille Marson. Anaïs Marson qui a été tirée au sort et on va lui demander quelle est sa radio préférée. Skyrock, bien sûr. Évidemment, bien sûr. Évidemment Skyrock. Tout le monde le sait, il faut répondre Skyrock pour gagner 1500 euros. Je pose la question à Chris Brown. Chris Brown, quelle est ta radio préférée? Fuck you. Mais non, c'est pas la bonne réponse. Il est là. Ah. Allô? Oui. Bonjour mademoiselle Anaïs Marson. Oui. Madame, oui. Ou mademoiselle, je sais pas. Bonjour Anaïs. Bonjour. C'est la radio Anaïs au téléphone. On t'appelle pour t'offrir 1500 euros ce matin. Skyrock? C'est alors, la mode. Hein. C'est, alors vous répondez avant que je pose la question cette année, ça me vexe. C'est pas possible. Ah. Alors Anaïs, quelle est ta radio préférée? Skyrock. Eh bien, tu viens de gagner 1500 euros, Anaïs. Bravo. 1500 euros pour toi, Anaïs, ce matin en direct sur Skyrock. Non, sérieux? Mais oui, sérieux. On est toujours très sérieux sur Skyrock. Tu nous connais quand même, hein. Anaïs, oui, non, c'est sérieux. Tu viens de gagner 1500 euros en direct. En direct à Nancy, Anaïs. Le chèque est là, on va t'envoyer à la maison. Présente-toi. Attends, j'écoute la radio. Hein. Vas-y. Vérifie la radio, c'est un moment inoubliable. Attends, tu gagnes 1500 euros en direct, c'est bien. 95,7. Exactement, mais elle connaît la fréquence, elle nous écoute, Rémi. Ah ouais? Écoute, il y a nos voix derrière, comme c'est beau. Oh, magnifique. Magnifique. C'est trop bien. Mais tombe pas, Anaïs, hein, faut pas tomber. Ah, oh Anaïs, un chèque, ça nous fait plaisir de t'offrir 1500 euros dès le réveil. Tu vas faire quoi avec tes 1500 euros, toi? Je sais pas. Moi, qu'est-ce que je ferais avec 1500 euros? Honnêtement, je viens de déménager, du coup, c'est super. Ça, c'est bien, ça ouais, pourra ça servir pour la maison. Moi, je pense que si je gagnais 1500 euros, je vous les offrirais, tellement je suis généreux. Oh, ah, moi, merci. Perso, je les mets à la banque, moi. Non, mais ça, je sais, Romano, je t'ai pas demandé d'abord. À la banque, tout de suite. Bah, non, bah, je réponds. Hein. Bon, moi, en vacances, une petite semaine de vacances. Ah, bah, ça nous ferait des vacances, c'est bien. Essaye d'appeler Cédric tout à l'heure. Ouais, on va essayer. Ouais. Tu fais quoi dans la vie, Anaïs? Tu bosses? T'es étudiante, besoin d'argent, je le dis souvent. Et t'es la deuxième étudiante qui gagne depuis lundi, là. 1500 euros pour toi, on va vite t'envoyer ce chèque à Nancy. Fais de beaux travaux dans la maison, éclate-toi bien. Merci, super. Profites-en, fais-toi plaisir. Et puis, merci de te réveiller avec nous tous les matins. Je vous écoute tous les matins. Ça fait 10 ans que j'apprends pas. Eh bah, tu vois, t'as attendu 10 ans pour gagner 1500 euros. Voilà, si vous inscrivez aujourd'hui, on vous appelle dans 10 ans. Mais non, si vous inscrivez ce matin, on peut vous appeler à 8h. Mais oui, 7-20-20, 1500, il faut envoyer 1500 au 7-20-20. Il connaît la règle du jeu par cœur, Romano, il a fait ça tous les deux. Ah oui. Bravo Anaïs, on t'embrasse, ne quitte pas, on prend tes coordonnées, on t'envoie vite ton chèque annoncé. Bisous et recommençons dans moins d'une demi-heure, 1500 euros à gagner. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait... Non, putain, non, je suis refait là. Dès le réveil. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Watching her, but she's looking. Rihanna, Calvin Harris sur Skyrock. Rihanna qui était en concert cet été avec Skyrock. Gros concert Rihanna, gros dans concert, les stades, dans oui. les stades, ouais. C'est la plus grosse tournée urbaine sur la première radio urbaine mondiale, Skyrock. Eh ben bravo Riri, congratulations Riri. Tiens, on parle de concert, on offrira Maître Gims, on l'écoutera avant 8h d'ailleurs Maître Gims. Mais avant ça, voici les conseils pas chers, ceux que vous attendez, ils sont là à 7h43. À la maternelle, ils carottaient déjà des couches. En primaire, des Pokémon. Je laisserai pas me voler mes Pokémon. Au collège, des portables. Au lycée, des capotes. Et aujourd'hui, la France entière. Oui, ben vous voulez que j'appelle les flics ? Romano, le roi des escrocs. Oui, et tout est vrai dans le jingle, hein, je tiens à vous le dire quand même. Ah bah évidemment, oui. Les conseils pas chers ce matin avec une arnaque, une vraie, qui a été faite par un mec à Nantes, je crois. Ouais, en tout cas, bah, le mec de Nantes s'est fait choper. Oui, parce que ça a été fait par plusieurs, plusieurs personnes dans plusieurs coins de France. Je dirais même plus, il y a un gang. Un gang, une épidémie, une épidémie. L'arnaque aux pneus dégonflés. L'arnaque aux pneus dégonflés, mais qu'est-ce que c'est donc ça? Un homme de 44 ans du côté de Nantes a été interpellé devant le Carrefour City de la rue Pontereau. Oui. Le quartier d'Oulon à Nantes. Très bien. Alors en fait sa technique c'était pendant qu'il guettait sur le parking, il attendait que les gens rentrent dans le supermarché. Et il faisait ça surtout aux personnes âgées, hein. Il leur dégonflait les pneus, c'est ça? Il leur dégonflait les pneus. Quand ils arrivaient sur le parking, le mec arrivait: oh là, votre pneu est dégonflé, messieurs dames. Attention là, c'est inquiétant. Je peux vous aider à changer le pneu, par contre ça va vous coûter un peu d'argent. Donc le mec faisait ça, il se faisait de l'argent comme ça. Quel escroc, hein, Romano. Qu'est-ce que t'en penses, toi qui es le roi des escrocs? Bravo à lui. Oh non. Faire ça à des vieux en très plus. Belle, très belle méthode. Très belle méthode. Bon, c'est les caméras de surveillance du supermarché, le responsable du supermarché qui ont remarqué le petit manège. Bravo Carrefour City. Et oui, le mec a été interpellé. Et bravo la police. Et placé en garde à vue. Voilà. Eh bien, ce matin, je ne vais pas finir en garde à vue, mais je vais dégonfler les pneus et proposer aux familles qu'on va appeler de leur donner un petit coup de main pour les gonfler et éventuellement de leur changer le pneu pour une modique somme. Une modique somme, très modique sans doute. Hein. Ah, c'est une galère en plus à changer les pneus. Oh non, ça facile, va. Romano. Facile comme tout de changer un pneu. Bah, je me souviens d'y fouler avec Crevel, je lui avais changé son pneu, on y avait passé la soirée. Hein. J'imagine les deux. Non, mais c'est Pascal. Pascal. Oui. Oui, bonjour, comment vas-tu? Ça va, mais c'est qui? C'est un passant, là. J'ai passé dans le coin. Et d'Ivoire, j'ai regardé ta voiture. Il y a un problème. Le pneu, il est dégonflé, hein. Ouais, bah, ouais, c'est possible, hein. Ah, ouais, bah, tu veux que je te donne un coup de main pour changer le pneu? Si tu veux, ouais. Ouais, ouais, je te prends un petit billet. Je te prendrai 100 euros. Bah, c'est pas cher. Ouais, bah, c'est bien. C'est pas cher, c'est presque plus cher qu'un pneu. Je suis là dans 5 minutes. D'accord. Voilà, comme ça, je soufflerai dans le pneu. Je mettrai une rustine. On va faire ça bien. Ok. Eh ben, à tout de suite, mon Pascal. À tout de suite, je viens sonner à la porte. Bisous, bisous, bisous. Bisous. Et en plus, il te fait des bisous, donc. Ah bah écoute, c'est parfait. Oui, c'est magnifique. Pascal et un coup de maître, on peut le dire. Ouais. Une démonstration ce matin. Je peux en avoir un deuxième pour confirmer. Bah écoute, ça sonne ça déjà. Sonne. Ah bah c'est parfait. Non mais tu vas pas faire ça toute la matinée. Quand il fait un conseil pas cher qui marche, il a envie de le faire. Ah bah 100 balles le coup de fil. Continuez. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. C'est la femme d'Éric. C'est la femme d'Éric. Oui, vous êtes qui? Oui, c'est monsieur Lapince. Là, je passais dans le quartier. Dites voir, j'ai vu votre voiture dehors. Il y a un problème, les pneus, ils sont tous dégonflés. Votre voiture? Ah bah oui, vous avez bien une voiture. Ah oui, c'est une voiture. Ah bah monsieur oui, Lapince, mais je vous connais pas, moi, monsieur Lapince. Ah bah oui, mais moi, je passais devant chez vous, j'ai relevé votre nom, je cherchais sur l'annuaire, et je me suis dit, je vais quand même les prévenir. Parce qu'en plus, ça tombe bien, je travaille dans le pneu, moi, je vais vous donner un coup de main pour les réparer. Hein. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est pas grave, on connaît quelqu'un. Non, mais je vais venir. Non, bah, j'ai pas besoin. Ah si, j'ai déjà constaté. Les pneus, ils sont dégonflés. Ça, je vous confirme, c'est moi qui les ai dégonflés moi-même. Ah ouais, c'est sympa. Oui, bah oui. Et comme ça, je vous les regonfle pour. Je vous fais 200 euros les 4. Ouais, mais c'est votre blague, elle est pas drôle. Ah, je viens dans 5 minutes. Sinon, moi, je démonte carrément les pneus, je vous fous sur cale. Hein. Oui, la prochaine fois, tu la rappelles, tu dis, oh, bah, je suis désolé, vos pneus, ils sont plus là. Ah ouais, oh, elle fait la gueule, c'est pas croyable, ça. Bon, ça marche une fois sur deux, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien, ouais. Bon, et l'autre s'est fait choper à Nantes, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Nantais. Hein. Ah oui. L'arnaque aux pneus dégonflés. Faites attention, vous serez prévenus, au moins. Ouais. Vous aurez été prévenus ce matin sur Sky. Il est 7h48, l'horoscope arrive dans une minute. Préparez-vous pour votre horoscope du jour. Et puis, notre top lose ou top win aujourd'hui, c'est top lose. Hein. Le loser du jour, ça y est, on l'a élu, on vous dit qui est. On l'a choisi. Oui. On a choisi notre loser du jour. Le temps d'écouter Ken Jones et votre horoscope dans une minute, comme promis. Maître Gims à contre-cœur. Retrouvez tous les tubes de Mon cœur avait raison, enrichis de 7 inédits. Inclus Est-ce que tu m'aimes, Sapé comme jamais, Ma beauté, Boucan.

Ken Jeong sur Skyrock avec Don't Mind. C'est ça, Don't Mind. Don't Mind, on va remettre le titre de loser du jour aujourd'hui. C'est l'heure du top win, du top lose. Donc c'est un top lose aujourd'hui. Hein. Top win. Alors, celui qu'on a élu, allez, on va demander à une grande star de la télé de nous l'annoncer. Nikos, viens voir, s'il te plaît. Est-ce que vous voulez que j'appelle... Chris Brown. Chris Brown. Non, plaisantez, j'espère. Je n'ai plus du nom au début. Hein. Comment il s'appelle? Il s'appelle l'Américain, là, ce con. Chris Brown est le loser du jour aujourd'hui. Ah ouais. Bah, vous avez entendu dans les infos, Chris Brown qui a passé la journée d'hier assailli par la police. C'est ça. Avec Miss California. Alors, elle est en photo sur tous les réseaux de Skyrock. Vous pouvez aller la voir. Hashtag Morning the Default. Vous allez sur... sur Facebook, sur Snap, sur Insta, et vous avez la photo de la belle. Elle est mignonne, mais c'est vrai qu'on dirait une américaine de film américain des années 80. Ouais, avec le brushing et tout. Ah là, le brushing à l'américaine. Elle fait feu de l'amour, quoi. Elle fait, c'est ça, elle fait feu de l'amour. Donc elle s'appelle Bailey Curran, et Bailey Curran regardait un diamant hein, chez Chris Brown, et à ce moment-là, Chris Brown a pété les plombs, et il a braqué une arme sur elle, a priori, hein, d'après ce qui a été dit. Hein. C'est ça, les informations qu'on a. Hein. On en saura plus, Rémi est à fond sur l'enquête. Ouais, mais il y a des trucs un peu flous, tu vois, il aurait acheté un doggy bag, ouais. On l'a vu jeter un doggy bag, ouais, par la fenêtre. On sait pas si dedans, il y aurait eu de la drogue et puis des armes, mais je sais pas trop. Bon, donc Chris Brown mérite le titre de loser du jour aujourd'hui. Hein. C'est pas la première fois qu'il a des problèmes, il a eu des problèmes avec Rihanna. Je vous disais tout à l'heure qu'en 2013, il a été impliqué dans une bagarre avec Frank Ocean. Ouais. Frank Ocean qu'on découvre dans Planet Rap tous les soirs. Bah, il s'était foutu sur la gueule aussi avec Drake. Mais à Frank Ocean, il lui avait quand même cassé un bras, Chris Brown. Ah ouais, quand même. Ah ouais, dangereux. Quand il était venu nous voir, il avait 17 ans, il était gentil tout plein, hein, Chris Brown. En octobre, oui, de 2013 aussi, il a été placé en garde à vue pour avoir tapé un homme qui était devant son hôtel. Alors qu'il posait avec ses fans, le mec avait une tête qui lui revenait pas. Chris Brown lui a dit fuck you. Fuck. Voilà. Je crois qu'il a fait de la préventive même. Hein. Il est parti en tôle. Hein. Ah bah oui. Fuck you. Voilà ce qu'il a à dire, Rémi. Chris Brown. Fuck ugly bitches. Man. Il te dit fuck vilaine pute. Voilà. En janvier 2016, la suite des aventures de Chris Brown, à nouveau impliqué dans une agression envers Lisiane. Cette pauvre Lisiane est une fan qui avait filmé l'artiste avec son smartphone sans sa permission. Et ça, ça l'a énervé. Ah, ouais, il était dans une fête privée, il a été filmé, pas content. Chris Brown. Et il lui a dit Fuck ugly bitches. Et juste après, pam, dans ta gueule. Voilà, les dernières aventures de Chris Brown. Comment, mon nigga? Et je suis là, Chris Brown. Arrête de faire des conneries, Chris Brown. Et en plus, il a insulté la police hier sur les réseaux sociaux. Il a fait des vidéos Instagram. Parce qu'il est, alors lui, il est très fort, il est assailli par la police, il y a la police de partout, des hélicoptères, à l'américaine, vraiment. Sûr, ouais. Et Chris Brown, il était sur ses réseaux sociaux en train de faire une déclaration. You're the worst gang in the world, the police. And I said it. Fuck you. C'est voilà. Le pire gang du monde, il dit. Le pire gang du monde, c'est la police. Fuck you. I'm a real nigga. You're a real nigga. Fuck you. Non, mais ce que je préfère, c'est. Fuck ugly bitches. Bon, vous bougez pas. Non, on ne bouge pas. Voilà, tiens, Cédric, je te donne la photo de Bailey Curran, Miss California. Ouais, t'inquiète. Voilà, t'as pas plutôt celle de Chris Brown. Si. Ouais, ça va aller. Chris Brown, quand il avait. Ah oui, il avait aussi posé à poil avec son. Il a un sexe énorme, Chris Brown, le truc pendait jusqu'au genou. Ah bah, il a trois jambes. Une carriole qui fait. Oh, j'en dégoûté. Trop gros, c'est pas bien. Trop gros. Bon, Chris Brown a le titre de loser du jour aujourd'hui. Ah oui, bah c'est là sur le coup, il l'a bien gagné. Ouais. Bon, on verra demain le prochain. Là, il est 8h50, 7h57, 8h-3. Dans un instant, on vous offre 1 500 €. C'est tombé il y a une demi-heure chez Anaïs à Nancy. Eh ben, ce sera peut-être pour vous. Profitez-en pour vous inscrire au 720 si vous voulez. Ouais. Hein. Tirage au sort. Je sais pas si on va le faire dans l'annuaire ou si on va le faire dans le. Dans moi, je sais pas non plus. Sur le 720. On va voir ça. Allez, 1 500 € à choper. C'est sur Sky. Bonne journée, bon morning. 7h57. Géant, ce sont toujours les jours imbattables chez Géant. Jusqu'à mercredi dans votre Géant, bénéficiez d'une réduction de 40% sous forme de bon d'achat sur le PC portable Acer Aspire ES1, 15,6 pouces, disque dur 500 Go, 4 Go de RAM à 399 €, soit un bon d'achat de 159,60 €. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable sur l'ensemble du magasin du 1er au 7 septembre. Attention, nouveau message de Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, la Bibox Miami est à 14,99 € par mois pendant un an, wow. Au lieu de 26,99 €. 14,99 €. Avec l'accès à des applis Android TV, oui. Dont YouTube, oui. Et Netflix. Mais attends, tu vas un peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. T'es. Normal, c'est du haut débit. Chez Bouygues Télécom, la Bibox Miami est à 14,99 € par mois pendant un an, au lieu de 26,99 €. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3 € par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Breakdown.

tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Et il est déjà 8h03, ça passe vite le matin, c'est bien. Merci à vous d'être là tous les matins, merci de faire les cons avec nous. Et vous allez pouvoir jouer tout à l'heure à Info Mytho. Avec votre iPhone 6S à gagner. On a offert déjà deux iPhones dans l'émission. On a aussi offert 1500 euros. Bravo Anaïs, on te fait un gros bisou Anaïs. Elle a failli tomber dans les pommes quand elle a gagné 1500 euros. Et attention, c'est pas fini le 1500 euros. Ah bah non, on commence dans un instant. Temps de faire le point sur l'actu tout de suite à 8h03. C'est Rémi, l'actu, le sport évidemment. Mais d'abord la météo pour aujourd'hui. Plein de soleil, une température qui monte, c'est super. Eh ben voilà, t'as fait la météo, il fait beau. Merci Rémi. On peut passer à la suite, ouais. Quelques nuages possibles près de la frontière belge et des orages prévus dans l'après-midi. Dans le sud-est, les températures comprises ce matin entre 15 et 22, 26 à 32 cet après-midi avec 28 en Ile-de-France et seulement 20 le long des côtes de la Manche. La pollution avec des indices moyens compris entre 4 et 5, 5 à Dreux, Rouen, Amiens, Metz, Lyon, Montpellier et Perpignan. Major Lazer qui arrive dans un instant avec Justin Bieber. Et tout de suite, l'actu et le sport sur Sky. Et Chris Brown qui refait parler de lui ce matin dans l'actualité. Nouvelles accusations graves contre le chanteur américain. Si vous vous réveillez, eh bien sachez que l'ex de Rihanna est accusé de violence par l'ex Miss Californie. Elle a appelé les secours après avoir été menacée avec une arme à feu pour une histoire de bijoux. Ça s'est passé il y a quelques heures à Los Angeles. La police s'est rendue chez la star qui a refusé d'ouvrir la porte tant qu'un mandat ne lui était pas présenté. Les policiers ont finalement encerclé la villa pendant près de 12 heures. Alors hélicoptère, Fox News en direct, etc. Avant que Chris Brown ne se rende, le chanteur a eu le temps de s'exprimer sur les réseaux sociaux à travers une petite vidéo publiée sur Instagram. Il dénonce l'acharnement des policiers contre les Noirs. C'est vrai que la période est propice à ça. Et puis des policiers qu'il juge idiots et qu'il qualifie de pire gang du monde. You're the worst gang in the world, the police. And I said it. Fuck you. Voilà, fuck ugly bitches. Fuck ugly bitches. Il donnera les clés de son ministère ce matin à 9h, dans une heure, à Michel Sapin. Emmanuel Macron a posé sa dème hier à François Hollande et n'est donc plus ministre de l'économie. C'était attendu depuis quelques temps déjà. L'ex-banquier n'est pas candidat à l'élection présidentielle, tout du moins pour l'instant. Il dit vouloir retrouver sa liberté pour se consacrer à son projet En Marche, créé en avril dernier. Et bien évidemment, les réactions politiques sont nombreuses. Nicolas Sarkozy, par exemple, qui a estimé que cela faisait 4 ans que la France n'avait pas de politique économique. La production de lait qui va baisser de 5% cette année, un moyen de faire monter un peu les prix, selon le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Un accord a été trouvé hier entre les éleveurs et le numéro 1 mondial Lactalis. Fin des actions donc pour les producteurs qui rentrent chez eux. Le prix de la tonne de lait sera désormais vendu autour des 290 euros. Cela représente une augmentation d'un peu plus de 30 euros. Un forain recherché depuis hier pour tentative d'homicide. Il participait à une manifestation sur l'A68 entre Albi et Toulouse. L'individu a lancé son camion contre les forces de l'ordre. Un CRS s'est écarté au tout dernier moment. Les manifestants protestaient contre l'annulation d'une fête foraine pour des raisons de sécurité. Et on parle sport, fin du mercato. Eh oui, ça approche. Et du tennis aussi. Eh oui, le mercato nous a animé tout l'été. On a essayé de le relayer sur Skyrock. Et là, ça y est, c'est fini. En tout cas, tout à l'heure, à minuit. Donc, il reste quelques heures. Les fans de Paris attendent bien évidemment les dénouements concernant deux dossiers hyper importants. David Luiz d'une part. David Luiz qui a reçu une offre de Chelsea, une offre de 40 millions d'euros, mais qui ne quittera pas apparemment le club de la capitale. La proposition a été refusée par la direction parisienne. Et puis cette question, Blaise Matuidi va-t-il répondre aux sirènes de la Juventus? Normalement non, mais bon, on n'est pas à l'abri quand même d'un retournement de situation. Encore une fois, on va attendre minuit. Donc Blaise Matuidi qui pourrait partir vers la Juve ou rester à Paris. Il a les cartes en main avec son agent Mino Raiola. D'autre part, vous devez savoir qu'on en saura plus aujourd'hui sur le cas Mario Balotelli, Super Mario, qui devrait arriver du côté des Aiglons niçois. On verra donc aujourd'hui. L'annonce est attendue en fin de matinée. Et puis, j'espère qu'il va venir parce qu'on va rigoler avec lui. Ah, on va rigoler, on a plus Zlatan, mais en tout cas, si on récupère Super Mario, ça peut être sympa. Oui, ça va être bien. Ça va être marrant. On va voir les phrases que qu'il va faire parce que on peut dire qu'il va en faire. Oui, on les spécialistes. Sûr qu'il en fera. Ça vous disait tout à l'heure que c'était le spécialiste des feux d'artifice à l'intérieur, de sa maison. Avec l'arrivée des pompiers à la fin parce qu'au bout d'un moment, ça prend feu. Et il joue aux fléchettes aussi de sa fenêtre sur les passants. Et t'as oublié, spécialiste aussi des actrices porno. C'est vrai aussi. Oui. Il est très chaud, Mario Balotelli. Enfin, Engie à Marseille, c'est quasiment fait. L'attaquant camerounais va mettre fin à un suspense qui a duré un mois et demi. Il est attendu dans la journée pour signer son contrat. Du tennis avec l'US Open de New York, ça ne s'est pas trop mal passé pour les Français au premier tour. Ça passe pour Chardy, Mahut, Simon, Mathieu, Garcia et Mladenovic. Élimination en revanche de Pauline Parmentier. Merci Rémi pour les infos. La suite tout à l'heure à 8h30, il est 8h07 sur Sky. C'est la rentrée du morning et toute l'équipe est déjà prête. Anthony, salut les filles. Est-ce que vous avez bonne rentrée avec le morning de Difool sur Skyrock. Et bon morning, bon réveil à vous, il est 8h08, bon courage à vous qui êtes dans les bouchons en train d'aller bosser. Bon courage. Et puis, la bonne préparation de la rentrée pour les lycéens, les collégiens qui nous écoutent, c'est demain. Les primaires, les maternelles. Oui, nous sommes très écoutés par les maternelles. Ils adorent Romano. Ça les fait rire parce qu'il est chaud. Tu rigoles, mais c'est vrai, ils aiment bien. Je fais la même taille qu'eux. Et en plus, il fait la même taille qu'eux, ouais. Et du lourd ce matin, hein, du Chris Brown dans l'émission. Oh, ugly bitches. Je sais, dans un instant, du lourd aussi avec une star française, bien française celle-ci. Alors ? Eh, vous l'avez reconnu, hein ? On n'attend pas Patrick ? Patrick Chirac. Camping. Dans le réveil de star, un des films qui a cartonné cet été, c'est mercredi, jour du cinéma. Et dans le réveil de star, c'est Patrick Chirac, alias Franck Dubosc, dans Camping, qu'on va retrouver, qui va réveiller un nouveau Jean-Pierre. Ah, très bien. Ouais, nouveau réveil de star. Et puis tout à l'heure, on parlait de rentrée, les conseils pas chers, c'est à 8h40 tous les matins. Et dans les conseils pas chers, aujourd'hui, un spécial rentrée. Je vais soutenir les profs qui rentrent aujourd'hui. Ah oui, on salue les profs qui rentrent aujourd'hui aussi. Eh ouais, c'est votre rentrée. Bon courage. Ouais, une journée avant les élèves. Ah, c'est pour préparer les salles de classe, pour voir les emplois du temps, pour voir les classes que vous aurez. Préparer les cahiers, les livres. Moi, il y a un truc qui me stressait tout le temps, c'est de savoir dans quelle classe j'allais être si j'allais être avec mes potes. Ah, c'est vrai. Ah, ouais. Ah, moi, je le savais déjà, moi. Ah, moi, je savais pas, moi. Ah, moi, je le savais fin juin. J'avais peur de tomber dans une classe de cons et tout. Tu sais, parce que c'était toujours des classes, des rivalités entre les classes. Voilà, c'est vrai, bonjour, dis fou, je suis dans ta classe. Ah, merde. J'avais dit une galère, merde. Bon, et Info Mytho, tout à l'heure, on va parler de quelqu'un de super sympathique dans Info Mytho. Préparez-vous. Ce sera à 8h20, c'est-à-dire dans à peu près 10 minutes, un petit peu plus. Et on vous offrira évidemment votre iPhone 6S. Pour vos messages, c'est au 41759 et sur l'appli Skyrock. Pour les inscriptions, pour les 1 500 €, si vous voulez qu'on vous appelle et augmenter vos chances, c'est 1 500 que vous envoyez au 72020. Et puis pour gagner, bah c'est tout de suite la démonstration, 1 500 € à gagner. Après Anaïs, chez qui on va aller ? On va voir ça tout de suite. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. C'est Skyrock. 1 500 € dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Oui, maintenant, et l'enveloppe est dans tes mains, Romano, j'ai vu. Oui. Vas-y, ouvre l'enveloppe des 1500 €. Alors maintenant, c'est-à-dire que je n'ai même plus le droit de tirer au sort l'enveloppe. Non, non. Peut-être directement l'enveloppe qui est tirée au sort par 10 foules avant. T'as déjà essayé de tricher 3 fois depuis lundi. J'ai essayé de tricher vite fait, quoi. Allez, vas-y. Bon, alors attention, nous allons dans le sud de la France. Alors, le sud de la France. Dans le 83. Le 83, le Var. À Brignoles. Brignoles. Chez Alice SOS. Hein? C'est Alice Sauce. Alice SOS. Bon, nous appelons donc Alice. Comment ça s'écrit ? SOS. Sauce. Sauce. Ou SOS, c'est pas comment on dit. On va voir si c'est notre sauce. Bah, voilà, ça se trouve, ouais. J'espère. Alice à Brignoles dans le 83. Bonne voilà. chance. Sauce au poivre. Oh bah ça, c'est, si on est parti dans les jeux de mots sur sauce. Ah bah ça appelait à Cédric en plus. Quatrième sonnerie, attention au plus qu'une. Voilà, sauce samouraï. Si tu veux, allez. Ouais. On continue. Mayonnaise aussi. Sauce mayonnaise, allez, voilà. C'est parti. Bon, ça sonne, il n'y a personne chez Alice. Avec un répondeur. Eh ben oui. Merci de laisser votre message après Bah, désolé pour Alice. Ouais. Alice, c'était Skyrock au téléphone. On t'appelait pour t'offrir 1 500 € ce matin. On te fait un gros bisou. Gros bisou, Alice. Et puis, on te rappellera peut-être un de ces prochains jours. En tout cas, on rappellera dans une demi-heure, peut-être chez vous, 1 500 € à gagner. C'est si vous répondez Skyrock et j'ai direct dans la poche. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Oh putain, vous déchirez Skyrock. Dès le réveil. Et Major Lazer tout de suite sur Sky. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. I will stay. Justin Bieber sur le son de Major Lazer. Moi j'aime bien Justin Bieber, il fait plein de conneries aussi. On parlait de Mario Balotelli qui fait plein de conneries. Chris Brown, bon lui c'est un peu trop. Ouais. Mais sympa autrement le son de Major Lazer. Avec Chris Brown dessus. Avec Chris Brown. Avec Justin Bieber dessus. Oui, ça y est, c'est bon. Excuse-moi Chris, ma langue a ripé. Hein. Oh, ugly bitches. Oui, merci Chris. Merci. Il est très énervé aujourd'hui. Hein. Ah oui. Bon, on fait Réveil de Star tout de suite. C'est parti, Réveil de Star, c'est Camping ce ouais. matin. Patrick Chirac. Patrick Chirac de Camping qui va appeler Jean-Pierre pour le Réveil de Star de 8h15. Les stars réveillent la France. Veuillez décliner votre identité. C'est le Réveil de Star sur Skyrock. Veuillez décliner votre identité. Ah ouais, la BO de Camping 3. Camping, ouais. Ouais. Eh ben ouais, c'est Maître Gims. Maître Gims que vous gagnez tout à l'heure dans la roulette. On fera tourner, on vous offre plein de places pour Maître Gims sur Skyrock. Tournez Skyrock dans toute la France. Maître Gims a choisi Sky. Nous, on a choisi Maître Gims. Tout va bien. Alors, je sais pas si c'est comme dans la bande-annonce, mais dans la bande-annonce, Maître Gims, mais tu l'as tout le long, quoi. Ils aiment bien. Hein. Ah ben, ils adorent. Ah, aussi dans le film, tu l'as toutes les 30 secondes. Ma beauté, Maître Gims, Patrick Chirac, c'est Franck Dubosc. Et ce matin, Franck Dubosc va réveiller Jean-Pierre. Jean-Pierre lui-même. Oui, Jean-Pierre. Est-ce que le contact va bien passer? Oh, j'espère, parce qu'il est sympa, ce Patrick Chirac. Hein. Bien sûr, bah, le pastis. Oui. Allô? Allô? Oui. Salut. Et qui c'est? Patrick. Et toi? Mais qui que ce soit raconté, vous êtes trompé de numéro, monsieur. Jean-Pierre? Jean-Pierre, oui. Super. Mais vous êtes d'où? De Dijon, Côte d'Or, et toi? Patrick de Dijon, attendez. Ouais. Je remets pas. Moi, je travaillais chez Amora. J'étais dans la moutarde. Oui, eh ben... Je peux te parler? Je sais pas, oui, parlez toujours, mais je vous remets pas, moi. Vous avez devant vous le nouveau Patrick Chirac. Le Patrick, pas pour l'amour. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Je te vois jamais au Shogun. Mais t'es pas un peu con, non? Quoi? Mais je sais pas, tu es un suqué, toi, qui sait... Bon, c'est sûr, sur Dijon, je sors dans des boîtes un petit peu plus branchées, quand même. Hein. Wow. Mais tu vas te faire enculer, connard. Tu vois, si je peux me permettre, moi, personnellement, je trouve que t'es trop coincé. Mais qu'est-ce que c'est, ces conneries-là? Tu sais, moi, j'étais coincé comme toi avant, hein. Jusqu'au jour où j'ai fait sosie d'Elvis Presley, ça m'a débloqué. Mais tu vas te faire mettre une paille au cul, hein. Oh, mon Jean-Pierre. Et allez, zou. Ça raccroche. Bien joué, Patrick. Ça accroche, mais ça raccroche surtout. Je pense qu'on va rappeler Jean-Pierre. Allez. Jean-Pierre et Patrick. On y retourne. Très bon contact entre les deux. On va te faire mettre une paille au cul. Eh, hey, copain. Allô. Patrick is back. Gendarmerie nationale. Tu vois, la liberté, c'est de pouvoir manger ses carottes râpées dans l'emballage. Va te faire mettre une paille au cul, je t'ai dit, connard. Qui c'est? Oh, t'as pleuré. Mais tu es pas un peu jobard? Qu'est-ce que tu es, tu es? Si, t'as pleuré, Jean-Pierre. Je connais ces yeux-là, je suis passé par là, je te dis. Et tu me connais pas. Bonne journée, JP. C'est JP, oh, JP. Très bon comédien, JP, hein. Presque aussi bon que Franck Dubosc, hein. Gendarmerie nationale. Ah, gendarmerie nationale, j'écoute. Oh, j'écoute, gendarmerie nationale. Oui, très crédible. Et ne l'oubliez pas, la punchline du jour, vous la notez, punchline du jour, c'est va te faire mettre une paille au cul. Ah, ah c'est ça. Paille au cul, hein. Si quelqu'un vous prend la tête aujourd'hui, vous lui dites, tu vas te faire mettre une paille au cul, et c'est comme ça, un hein, petit paille au cul, hein. Ouais, voilà, tranquille. Le réveil de star tous les matins, à 8h10, 8h15. Et dans un instant, on va jouer ensemble, c'est Info ou Mytho. Ah, quelqu'un de très sympathique à vous présenter dans Info ou Mytho. On joue ensemble pour gagner l'iPhone 6S. Juste après le gros son que vous entendez derrière moi, c'est Macklemore, Candle 2 sur Skyrock. Return to the Mac, get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad, moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. Stage light, go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four-track busting. Halfway across that city with the back. Crush shit, labels out here. Now they can't tell me nothing. We give that to the people. Spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people. Spread it across the country. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can hold us. Like the ceiling can hold us. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's soir sur la première radio urbaine mondiale Skyrock. C'était le son Candle Dust qui nous rappelle plein de souvenirs. C'est sympa, ça j'aime bien. Oui. Drake arrive, on écoutera Pitbull Florida aussi tout à l'heure. Alonso le Marseillais avant 9h du matin. Et tout de suite, info mytho, c'est l'heure de gagner votre iPhone 6S. On vous souhaite bonne chance d'avance. Voici la petite info que je vais vous donner. On va parler de quelqu'un de très sympathique ce matin. Info, info ou mytho, qui dit vrai, qui dit faux. À toi de détecter le mytho. Ouais, dans un instant, c'est Romano et Cariole qui vous donneront deux infos. Il y en a un des deux qui va vous dire un mytho. Oui. Bon, moi, vous savez que je vous dis tout le temps la vérité. Hein. Bon, ah oui. Ça dépend. Hein. Voilà. Bon, il faut dire si ce que je vous raconte est vrai ou faux, mais comme je dis tout le temps la vérité, je sais à peu près ce que j'enverrai comme message si j'étais à votre place pour être qualifié. Alors, vas-y, Kim Jong-un. On va parler, oui, de cette personne très sympathique, Kim Jong-un, le président de la Corée du Nord. Ouais. Oui, quoi, le dictateur, quoi. Ouais. Dictateur. Élu démocratiquement, bien sûr. Oui, dictateur Romano, tu vas loin tout de suite, ah là là. Alors ce président sympathique qui a fait exécuter toute sa famille, enfin une partie de sa famille, son oncle, il l'a fait manger par des chiens, je crois. Ouais, je crois aussi. Ouais. Et il y a un autre oncle qui l'avait mis sur un terrain et il a lancé un lance-roquette sur la gueule. Voilà, oui, parce que bon, il s'est dit avec des balles, on sait jamais. Voilà, des fois qu'ils s'en sortent, là c'était sûr, il s'en est pas sorti. Donc on parle de Kim Jong-un, le président de la Corée du Nord. Alors la faute que je vous donne, la voici tout de suite. Il a fait exécuter un haut responsable de son gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'il s'était endormi lors d'une réunion. Info ou mytho ? L'autre s'est énervé. Kim Jong est arrivé. Il a dit Pourquoi dormir pendant les réunions ? Je vais te buter. Espèce de saloperie, tu vas voir. Je vais te foutre un lance-roquette dans la gueule. Info ou mytho ? Je donne le top pour les réponses maintenant au 41759 ou sur l'appli Skyrock. Vous envoyez vos réponses. Vous laissez bien votre numéro de téléphone. Dans un instant, on vous retrouve avec la réponse. Info ou mytho, Kim Jong-un a fait exécuter un haut responsable tout simplement parce qu'il s'était endormi. Oh, le con aussi. Ah ouais, abruti. Lors d'une réunion, vous nous dites si c'est vrai ou si c'est faux et dans un instant vous tentez l'iPhone 6S en direct sur Sky. Il est 8h22. Géant. La rentrée à prix bas, c'est Géant. 10 sur 10 sur les économies. Et mention très bien sur les prix bas chez Géant. Jusqu'à mercredi, recevez un bon d'achat de 5 euros à partir de 50 euros d'achat dans tout le magasin. Oui, 5 euros en bon d'achat à partir de 50 euros d'achat, c'est Géant. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable dans tous les magasins du 1er au 11 septembre. Bon, les gars. Qu'est-ce qu'il y a ? La rentrée approche et j'ai rien à me mettre. Bah, fais comme nous. Pour additionner look de ouf et nouveauté sans se ruiner, on va chez Célio. Regarde, en quelques clics, t'es branché sur leurs actus, les tendances et les bons plans. Tiens, en ce moment en magasin, avec l'offre 1 plus 1 égale 3, pour deux articles achetés, le troisième est offert. Pour deux articles achetés seulement, le troisième est offert ? Eh ouais. Allez les gars, on fonce chez Célio. Voir conditions de l'offre en magasin ou sur celio.com. Rejoignez-nous sur notre page Facebook. Vite, chérie, fais de la place dans le chariot. Ah, c'est l'opération gros volume chez Netto. Oui, jusqu'au 4 septembre, il y a 50% de remise immédiate sur le lot de deux bidons de lessive liquide régulier Ariel Simply. Netto, le discounter qui fait la différence. 6,92€ le lot de 2 fois 2 litres 145, soit 4,29€, soit 1,61€ le litre au lieu de 3,23€. Et ton grand, il fait quoi maintenant ? Le lycée, c'est du sérieux, on ne les voit pas grandir. Tu l'as bien assuré ? C'est un vrai changement de vie. Avec l'assurance scolaire Matmut, ça aussi c'est du sérieux. Et c'est moins cher la première année au lycée. Offre valable du 1er juillet au 30 septembre 2016 pour toute première entrée en nouveau cycle scolaire. Conditions en agence ou sur matmut.fr. Jusqu'au 13 septembre, chez Conforama, les tops de la rentrée vous attendent à prix coûtant. Comme le canapé Duncan à 74,83€ seulement. Avec un prix comme ça, ceux qui veulent faire des économies peuvent nous dire merci. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. Avec Mathieu qui joue au tennis. Oui, Mathieu qui porte des chaussures de tennis junior Art & Go TS760 avec ses semelles ultra résistantes. Tout à fait, des chaussures qui lui permettent de jouer encore et encore puisque nous venons de passer les 5 heures de match. Oh, quel mental, incroyable. Chez Decathlon du 17 août au 24 septembre, préparez la rentrée à petit prix avec les chaussures de tennis junior Art & Go TS760 à seulement 19,99€. Decathlon, à fond la forme. Voir conditions en magasin et sur decathlon.fr. CEA. Soignez son look pour la rentrée avec la collection enfant CEA, c'est adorable. Et soignez aussi son budget avec 3 articles enfants CEA pour le prix de 2, c'est à craquer. 3 articles enfants pour le prix de 2, c'est à saisir dans votre magasin CEA. CEA. sur une sélection de produits dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en magasin. Dis donc, la rentrée est à moins 50% chez But. Mais ils font pas les choses à moitié. Je viens de te dire le contraire, elle est à moins 50% la rentrée. Non, mais c'est une expression, c'est comme couper les cheveux en quatre. C'est pas une expression, c'est mathématique. Rentrez nos stress chez But. En ce moment, le matelas Dream et Avisco Spring 140 par 190 est à moins 50%. 219,99€ au lieu de 433. But, c'est nous. Paul, quand on aura des enfants, tu crois qu'ils feront du sport le mercredi? Ah ouais, notre garçon fera de la natation. Notre fille. Garçon. Chez Intersport, le maillot pour fille est à 15,99€. Bon, d'accord, une fille. Voilà. En ce moment, chez Intersport, le maillot de bain une pièce fille Speedo est à 15,99€ au lieu de 25,99€, soit 38% de réduction. Intersport, le sport commence ici! Offre valable sur la référence 533 à 715 dans la limite des stocks disponibles. Conditions, date et liste des magasins participants sur intersport.fr. Une rentrée cool pour Darty? C'est accéder à toute l'innovation sur sa box internet avec une assistance de jour comme de nuit. Et si en plus on est récompensé, y a pas plus cool comme rentrée. Du 17 août au 24 septembre chez Darty, la B-Box Miami de Bouygues Télécom avec Android TV et tous les services exclusifs Darty inclus est à 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. En plus, Darty vous offre une carte cadeau de 100€. Engagement 12 mois, location box 3€ par mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Carte cadeau utilisable jusqu'au 15 avril 2017 dans les magasins Darty hors Darty.com. Direct de 6h à 9h, c'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Et on joue à Info Mytho, et oui, tentez le coup parce que vous pouvez vous retrouver en direct sur l'antenne comme Mohsen qui est avec nous en direct de Nîmes. Salut Mohsen. Salut, ça va ? Bien. Alors Nîmois, on salue tous les auditeurs de Nîmes, on te salue Mohsen aussi. Salut. Salut. Salut. Alors t'as 23 ans, tu fais quoi dans la vie Mohsen ? Routier. T'es routier et tu joues avec nous pour Info ou Mytho et t'as la bonne réponse. Je vous ai raconté une petite histoire il y a un instant. Je vais parler de Kim Jong-un qui a fait exécuter le président de la, Nord, de la Corée du Nord. Hein. Ouais. Président nord-coréen qui a fait exécuter un haut responsable parce qu'il s'était endormi lors d'une réunion. Est-ce que c'est une info, mec, complètement brage? Ah oui, oui, oui. Ou est-ce que c'est un mytho? Ah, moi j'ai dit info, il est complètement taré, ce gars. Hein. Et tu as raison, Mohsen, tu es qualifié pour jouer avec Cariole et Romano qui ont aussi des infos à te donner. Attention parmi les deux. Il y a un mytho, faut faire attention. Kim Jong-un, alors on s'est renseigné, il a déjà fait tuer un de ses ministres qui lui avait dit « Ouais, je pense que c'est pas une très bonne idée, cette loi. » Pam, mort, quick, quick. Et l'oncle, oui, c'est confirmé, Romano, ouais. C'est un des hommes les plus riches du pays. Quick. Ouais, non, avec le lance-roquette. Un coup de lance-roquette. Et il avait supprimé également le ministre de la Défense. Mais je me demande si c'est pas lui. Parce qu'une fois, il y avait eu un défilé militaire, il y avait un mec qui avait piqué du nez. Il s'est endormi par un. Ouais, bah il a fini la cérémonie et derrière, il s'est fait terminer par Kim Jong-un. Après, il a pu dormir, ouais. Bonne réponse, t'es qualifié. Et on joue maintenant, on va mettre en jeu l'iPhone 6S. Mohsen, on souhaite bonne chance. Ah, bah, c'est info, info ou mytho. Qui dit vrai, qui dit faux. À c'est toi de détecter le mytho. Et c'est parti avec Romano. Alors, une histoire qui s'est passée du côté du Puy-en-Velay. Dans le 43. Un médecin, médecin qui partait en vacances avec sa femme dans une Porsche 911 Carrera. Ah, ça va déjà. La classe. Elle en a de la chance, sa femme. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il a mal négocié un virage. Sa femme lui a fait une réflexion dans la bagnole. Lui, le mec a pété un plomb. Il l'a abandonné sur le bord de la route en lui disant, ouais, dégage, en gros. Sympa. Donc, la femme n'avait absolument rien. Pas de téléphone portable, pas d'argent. Elle était en short et en espadrille. Elle s'est fait ramener au commissariat en stop. Au commissariat, ils ont essayé de joindre sa famille. Donc le mec, ils ont essayé de l'appeler, il ne répondait pas. Bon, ils ont appelé les enfants. Et les enfants ont réussi à joindre le père qui a réussi à se faire convaincre. Il a été obligé de faire demi-tour et d'aller venir récupérer sa femme. Et info ou mytho. C'est con de partir en vacances en Porsche et puis de finir en stop. Ouais, c'est ça clair. C'est con, ouais. Voilà, sympa comme tout, le médecin de Haute-Loire. Ouais, c'est ça. Le médecin de Romano. Écoute bien l'info de Cariole maintenant. Moi ouais, c'est... moi c'est un homme qui s'est filmé en fait dans sa voiture en train d'avoir une relation sexuelle avec un Big Mac. Bien sûr. Voilà. Très bien. Tout simplement. Alors Mohsen, qui dit vrai, qui dit faux? Je dirais Romano info, Cariole mytho. J'aurais dit comme toi, Romano info, Cariole mytho. Est-ce que j'ai gagné mon iPhone? Non, mais Mohsen l'a gagné lui. Bravo. Et pourquoi Mohsen et pas moi? Ah non, parce que c'est Mohsen qui joue avec nous en direct. Mohsen, encore un iPhone 6S pour bravo, toi ce matin. Bravo Mohsen. Romano, lâche l'affaire, hein. Ah ben bah lâche l'affaire, t'as gagné mon pote. Ah ouais, il te le lâche, il est pour toi. Ah donc allez, merci l'équipe, c'est gentil. Et c'est bravo Mohsen. Cool. Et le gars donc faisait pas l'amour avec un Big Mac. Non, avec un Mac Chicken. C'est impossible avec la sauce et tout, c'est abusé. Ah non, mais le mec l'a fait avec un Mac Chicken, il y a de la sauce aussi. Hein. Ah si si. Ah et le mec s'est filmé en plus. Ouais, il s'est filmé. Fier de lui, il est américain, non hein. Écoute, je sais pas. Ah très bien, moi à mon avis il est américain celui-ci. Mais en tout cas, il y a McDonald's, ils ont fait un message en disant on a rien à voir avec cette histoire. Nous ne sommes pas dans le coup, c'est pas un buzz organisé par nous. Ouais. Voilà. Ouais. On a pas encore inventé le Maxosis. Ah, hein. Non, il y a pas de... Le Maxosis à la sauce blanche, bien sûr. Mmh. Oh, ouais, j'en veux, hein. Eh bien, écoute, Cédric, ça n'existe pas, malheureusement. Ah, dommage. Dommage. Allez, un iPhone 6S en plus. Eh ben ouais, faut jouer avec nous. T'avais eu raison, Mossen. On t'envoie ça à Nîmes et on te souhaite une bonne journée. Salut, Mossen. Salut, Mossen. Ciao. En direct de 6h à 9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. Et les infos dans un instant. Et Drake, tout de suite sur Sky. Il vaut 1500 euros aussi, hein, je vous le dis doucement, répétez pas, 1500 euros à gagner, attention. Grips on your ways, front way, back way, you know that I don't play. Street's not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece, I pray That's why I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go, higher powers taking a hold on me. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go, higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go, higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go, higher powers taking a hold on me. Cause if you're down, I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go, higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go, higher powers taking a hold on me. Drake sur Skyrock, Drake avec One Dance à 8h32. Dans un instant, je vous le disais, 1500 euros à gagner. Si on vous appelle et qu'on vous demande quelle est votre radio préférée, vous répondez Skyrock, bien sûr. Bien sûr. Et c'est tombé chez Anaïs tout à l'heure à Nancy. On fait un gros bisou à Anaïs, étudiante. Et un chèque de 1500 euros qui arrive à la maison pour cette rentrée. Toutes les demi-heures, 1500 euros à gagner. Et bien, c'est juste après les infos de Rémi. Ouais. Les infos de Rémi. Puis le son de Pitbull et Florida qui arrive. Il y aura du Alonso aussi. Alonso des psychiatres de la rime à écouter avant 9h. Et tout de suite, la météo. Une bien belle météo. C'est la rentrée, mais c'est encore l'été. Ouais, il fait beau aujourd'hui. Il y a du soleil partout, quasiment partout, parce qu'on a quand même quelques nuages près de la frontière belge et des orages prévus dans l'après-midi dans le sud-est. Les températures remontent ce matin, comprises entre 15 et 22 degrés, 26 à 32 cet après-midi, 28 en Ile-de-France et seulement 20 le long des côtes de la Manche. Et puis la pollution, bah, les indices sont moyens entre 4 et 5, 5 à Dreux, Rouen, Amiens, Metz, Lyon, Montpellier et Perpignan. Et on va parler d'Antoine Griezmann dans un instant, les confessions de Grizzy, mais tout de suite, le reste de l'actu. Et on vous en parle depuis hier soir sur Skyrock. Chris Brown a de sérieux ennuis, là, des nouveaux ennuis, même on a envie de dire. Il est accusé d'avoir menacé Bailey Curran, qui n'est autre que l'ex-Miss Californie. L'affaire s'est déroulée au domicile du chanteur à Los Angeles. Cette nuit, la reine de beauté admirait en fait un diamant exposé par un ami de Chris Brown. Et puis lui s'est énervé, il lui a demandé de dégager en lui pointant apparemment une arme à feu sur elle. Alors la victime présumée, prise de peur, a quitté la villa en quatrième vitesse. Elle s'est réfugiée chez un voisin, elle a appelé le 911. La police s'est rendue sur place, mais l'ex de Rihanna a refusé de leur ouvrir ses portes tant qu'il n'avait pas de mandat de perquisition. Le petit manège a duré quand même 12 heures avant qu'il ne se rende aux forces de l'ordre. Il a eu le temps de s'exprimer sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Il a poussé un coup de gueule en insultant la police. Il affirme qu'il était tranquillement en train de s'occuper de sa fille et qu'il n'a strictement rien à se reprocher des policiers qu'il juge idiots et qu'il qualifie de pire gang du monde. Fuck you. Ouais. Il se dit... Ouais. C'est la conclusion de son, c'est la conclusion de son message. Conclusion. Voilà. Il se dit déterminé à transformer la France dès l'année prochaine. Reste à savoir s'il compte peser sur la présidentielle ou s'il compte tout simplement devenir président. Le ministère reste entier autour des ambitions d'Emmanuel Macron, qui a quitté le gouvernement hier. Le désormais ex-ministre de l'économie s'en va donc après 2 ans passés à Bercy, où il sera remplacé d'ici une demi-heure, même pas 20 minutes, par Michel Sapin. L'ex-banquier de chez Rothschild souhaite se consacrer à son mouvement En Marche. On verra donc ce que ça donne et on verra surtout si il se compte se présenter à l'élection présidentielle. 800 000 profs sur le chemin de l'école ce matin, c'est la traditionnelle pré-rentrée dans les 64 000 établissements classement en France. Les élèves sont attendus demain et vendredi. D'ici là, nouvelle polémique qui s'invite concernant les prochaines vacances. Le calendrier a été dévoilé. Les congés de la Toussaint débutent un mercredi pour s'achever 15 jours plus tard, un jeudi. La Fédération des parents d'élèves ne comprend pas, estime qu'il est difficile de faire garder les enfants en plein milieu de semaine. Les pros du tourisme, de leur côté, parlent d'un non-sens économique. Une perte de taille pour Daesh. Le groupe terroriste annonce la mort de son porte-parole, El Abou Mohamed Al-Adnani. Il avait à plusieurs reprises appelé à tuer des Français. Il aurait été tué en Syrie par une frappe américaine. Et on parle de Griezy maintenant, le sport sur Sky. Ouais, Antoine Griezmann qui s'est exprimé hier à Clairefontaine. C'était très attendu concernant ses nouvelles responsabilités. Il ne veut pas se mettre de pression. L'attaquant affirme qu'il ne va rien changer à sa manière d'appréhender les matchs, qu'il fera de son mieux sur le terrain. Il ne souhaite plus évoquer l'Euro. Voilà, c'était une belle compétition. C'était en France, c'était cool. Mais maintenant, c'est derrière. Il faut se tourner vers l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? Eh bien, c'est le Mondial 2018. On verra ce que ça donne demain en match amical contre l'Italie. Et puis surtout, mardi prochain, en vue donc d'un match qualif contre la Biélorussie. On suivra tout ça, bien sûr, dans la Radio Libre. Et oui, demain soir, du foot à suivre. Italie-France en direct, ouais, de Bari. Et semaine prochaine, oui, match important. T'as raison. Eh ouais, contre la Biélorussie. Allez les bleus. Il est 8h36 sur Skyrock. Et puis bonne chance à vous maintenant. 1500 euros à gagner. En direct de l'appart. C'est le morning de Default sur Skyrock. The morning show. Et oui, en direct de l'appart, on est là tous les matins avec vous. Bon réveil, bon courage si vous êtes dans les bouchons. Salut Véro qui se réveille avec nous. Bonjour Véro, bonjour à Orlan. Il y a Baloutella qui vient d'arriver aussi. Salut Baloutella. Il y a Bimbin. Bonjour Bimbin. Yanzo. Mais Bimbin, c'est pas comme ça que t'appelais ton nounours, Romano? Non, c'est un nanin. Ah, nanin, pardon. Ah, c'est pas pareil. Ah non, c'est comme un doudou. Et pourquoi, bah, tu vois, tu l'appelles pas doudou? Bah, parce que, en Bourgogne, on dit un nana. Mais t'as encore un aujourd'hui? Non, mais j'ai plus de nana. Ah non, c'est interdit. Il y a Carriole maintenant. Ah, c'est interdit par Carriole. Ah, ouais. Ah non, Carriole, quand c'est connu, c'est encore mon pouce par contre. Mais ouais, c'est magnifique. Ouais. Et il faisait caca dans un pot. Il avait des couches. Et Carriole, elle m'a tout appris. Elle lui a tout appris. Ouais, c'est vrai. Elle lui a appris à aller à la selle dans les toilettes normales. Non, mais le pouce, c'est je me souviens, je m'étais fait engueuler. Elle m'a dit, non, mais avec moi, c'est fini. Ah bah, tu sors avec un mec, il a 20 ans, oui, t'as pas envie qu'il suce son pouce. Non, c'est clair. Ça, c'est sûr. Il est des nanas, tu sais qu'ils se mettaient dans le nez et tout. Oui, comme des ça, nanas, voilà, mais c'est ça. Ils s'endormaient avec le nanan dans le nez. Non, bah écoute, François a dit fou. Il en faut un gros, hein. Moi, je peux en mettre plusieurs, oui. C'est une usine à nanas, quoi. Bon, allez, on va vous offrir 1500 euros. C'est encore tombé ce matin. C'était à Nancy, il y a une heure. C'est Anaïs qui a gagné 1500 euros. Enfin, un gros bisou, Anaïs. Et on vous offre 1500 euros. Je viens d'ouvrir l'enveloppe, c'est parti. Mode d'emploi pour choper 1500 euros. Bonjour, c'est qui? Tu fous le tapet? C'est pas possible. Tu réponds Skyrock. Tu gagnes. Et ce matin, j'ai ouvert l'enveloppe, on file à La Courneuve dans le 93. Attention, attention, vous habitez à La Courneuve, vous allez peut-être gagner 1500 euros tout de suite sur Skyrock. On appelle Francine, comme la farine. Francine Ngamagol. On va chez les Ngamagol et on va voir s'ils répondent Skyrock, c'est 1500 euros cash. Et vous en faites ce que vous voulez des 1500 euros sur Sky. Il y en a encore qui ont des nanas. Ah, vous avez un nana, vous aussi? Il y a Orlan, 17 ans, elle a encore son nana. J'ai encore le mien, elle dit. C'est bien, Orlan. Et a priori, du côté de Nantes aussi, au dit nana. Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Ngamagol. Oui, c'est monsieur Ngam, oui. Monsieur Ngam tout court. Mais bonjour, monsieur Ngam tout court. Nous, oui. c'est la radio au téléphone, on est en direct. On vous appelle ce matin, parce qu'on vous a tiré au sort. C'est pour vous offrir 1500 euros. Oui. Il faut répondre à une question. C'est comment votre prénom? C'est pas Francine, vous, hein? Francine, c'est ma fille, moi c'est Jacques. Salut Jaco. Oui. Bon, salut Jacques. Jacques, je vais. Parce que Jaco, c'est un diminutif, hein, mais bon, c'est pas pour. Allez-y. D'accord. Alors. Appelle-le Jacques, c'est mieux. Je vais faire Jacques. Bon, ouais. Jacques, je vais vous poser une question. Il faut me dire quelle est votre radio préférée. Si vous avez la bonne, vous repartez avec 1500 euros. Attendez. Si j'en ai besoin déjà, alors ne me posez pas un piège, hein. Il y en a tellement. Il y a RTL, il y a. La radio FM, ainsi de suite, en effet. Mais ce n'est ni RTL ni la radio FM. Ah si, on est en FM, mais on, bon. On est sur la FM, oui, mais on s'appelle Skyrock. C'était Skyrock, Jaco. Ouais, Skyrock, oui, je vois. J'ai une chaîne musicale, quelque chose comme ça aussi. Bah oui, c'est une musicale qui passe de la musique qui déchire, mon bon Jacques. Ouais. Et oui, bon ben, tu sauras pour la prochaine fois. On va se tutoyer parce que c'est sympa. La prochaine fois qu'on t'appelle, on te parle radio au téléphone. On te demande quelle est ta radio préférée, tu réponds Skyrock. Je peux vous faire un petit reproche? Si tu veux, Jaco, on est prêt à tout. Skyrock est une radio libre. Vous savez à qui vous parlez, n'est-ce pas? Jacques Ngam. Oui, c'est. D'après la voix, ça doit être quelqu'un d'un certain âge, n'est-ce pas? Tu es quelqu'un d'un certain âge, mais tu sais que nous, on est très gentils. Voilà, quand on accepte. Vous posez une question comme celle-là, je suis pas jeune, hein. Ça, c'est des questions à des jeunes de 15, 20, 25 ans. C'est eux qui peuvent vous donner la réponse et ça. Donc, si c'est 1500, vous avez tort. À 50%, et bien envoyez-moi la moitié des 1500. Voilà. Jacques, tu veux réécrire le jeu. Elle est pas con. T'es pas bête, Jaco, hein. Pas bête. Ah, mais je suis pas bête, mais je vous dis ce qui est. J'ai vu, mais tu sais, quel que soit ton âge, on accepte tout le monde. Nous avons même un animateur. Bon, il est pas vieux, hein, mais il est chaud. Vous savez, oui. Skyrock, la musique que vous diffusez, moi, si je me mets à danser ça, je l'air, hein, et tout ça. J'ai essayé de me casser une jambe, hein, moi. Mais non, Jaco, écoute. Là, on va te mettre un son, tu te branches sur 96 FM. On va te mettre Pitbull et Florida et tu vas nous faire une danse. Ouais, fais-nous une chorégraphie de dingue. Je te propose de twerker, Jeff. Tu vas nous faire un petit twerk. Allez, à la prochaine. Allez, à la prochaine, Jaco. Salut, Jacques. Salut, Jacques. 1 500 € à gagner. Inscrivez-vous sur 720 si vous voulez augmenter vos chances de gagner. Vous envoyez 1 500 au 720. Petit tuyau qu'on vous donne comme ça. Et bah tiens, on a proposé à Jacques de danser. Voici le son spécial pour Jacques. Allez, c'est pour Jacques. Spécial dédicace. Voilà, Pitbull et Florida pour Green Light sur Sky. Green Light. Everybody take a shot. Red light. Mr. 305. Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys. You know what time it is. Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. That means that we can do anything, anything that you dream. I wanna make you ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is, mommy, for you to give me the green light. So I can run through it like an easy pass. Find a G and step on the gas. Woo! Give me the green light. Yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Then I'm ready, pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Give me what I ask for, I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Arena Venus, flow of genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this, that 200 on the dash got me fiending. So I'm tryna ride out, slide out. Rally stripes, 7500, bye-bye. Light sur Skyrock, c'était bien ça. Hein. J'espère que Jacques a bien dansé là-dessus. Hein. C'était le son de Pitbull avec Florida en featuring. On a Alonso qui arrive, Alonso le Marseillais. On le salue d'ailleurs, Alonso. Gros album d'Alonso. Ouais. Gros son à écouter. On va écouter Binta, il est 8h44. On prépare une compile, la compile du jour, tout à l'heure, dans 10 minutes. Les trucs qu'il ne faut pas faire si on ne veut pas avoir de problème avec la police. Ça, c'est pas mal. Nous ferons le top 3 des trucs qu'il ne faut pas faire si on ne veut pas avoir des problèmes avec la police. Préparez-vous, mais avant ça, Romano, les conseils pas chers. Et tu nous as dit tout à l'heure à 8h que les conseils pas chers allaient soutenir la rentrée des profs aujourd'hui. Oui, 861 000 profs rentrent aujourd'hui, c'est la rentrée des professeurs. Il y a un paquet de profs. Hein. Eh ben oui, il y a du monde. Eh oui. Eh bien, ce matin, c'est le soutien. Je vais gagner de l'argent grâce à vous, amis professeurs, amis collègues. Voilà, bon courage à tous les élèves qui se préparent pour demain, d'ailleurs. Dernière grâce mat, peut-être, pour vous. Hein. Eh ouais. Profitez bien de Skyrock ce matin, puis réveillez-vous demain avec nous. On prépare quelque chose pour la rentrée, là. Ah bah oui. Une belle matinée. Ouais. Alors, bah, c'est déjà parti pour la rentrée. C'est les conseils pas chers. Romano n'a pas besoin de se coiffer le matin. Ça lui fait plus de temps pour arnaquer. C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Oui, ça fait des économies de shampoing. Quand t'es chaud, c'est quand même bien pratique. Hein. Ah oui, tout ça bien pratique. Bon, alors la rentrée se profile bien. Déjà une grève de prévu le 8 septembre. Ça c'est bien ça, comme ça vous rentrez le 1er. Une semaine après déjà, une petite journée de repos, 8 septembre, une grève. Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'éducation, n'a rien trouvé de mieux que de bannir les Pokémon rares dans les écoles. Elle a écrit à... Ouais, mais parce qu'il faut prendre des décisions importantes. Non mais quand t'es, tu peux pas comprendre, Romano, t'es pas ministre. Elle a écrit t'es pas ministre. Non. Bah, quand t'es pas ministre, tu peux pas comprendre ce genre de choses. Elle a écrit à Pokémon Society. Ils ont dû être contents Pokémon Society. Le truc a dû finir à la poubelle. Elle a écrit à Pokémon pour leur dire qu'il faut enlever les Pokémon. Un poétur, je la fous dans la corbeille. Et troisième truc qui annonce une belle rentrée, t'as les parents qui gueulent pour les vacances de la Toussaint. Ah ouais, Rémi disait dans les infos. Oui, parce que ça démarre à mercredi soir et ça reprend à jeudi. Oui, il n'y a qu'une semaine pleine en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Donc t'as tous les gens dans le tourisme, ils gueulent. Bon, les parents gueulent, tout le monde gueule. Voilà. Une belle rentrée en perspective. Magnifique. Eh bien, ce matin, les professeurs. Mal payé. Je crois que les profs français sont les profs quasiment les moins bien payés d'Europe. Pas mal. Eh bien, ce matin, je vais augmenter le pouvoir d'achat des professeurs. Parce que je suis moi-même professeur, je vais demander une petite quête au niveau des familles. J'enseigne quand même à leurs enfants le savoir. Eh bien, ça a un prix. Mais faudra rappeler quand même à tous ceux qui découvrent Skyrock que Romano est quand même le seul professeur de l'équipe, puisqu'il est professeur de radio. En particulier de diction. De diction. Non, c'est vrai, il bosse dans une école de radio. Ouais. Et il fait, ouais. Non mais tu fais pas la diction. Non, je fais des cours. Mais ils t'ont pas pris pour la diction. Bah bien sûr que non. Hein. Ah d'accord. Ils sont pas fous. Hein. Je me casse la technique table de mixage et compagnie. Waouh. Technique table de mixage et compagnie. Bon, bah c'est parti pour les conseils pas chers. On appelle qui? Allez, c'est on va chez Didier. Didier. Donc une quête pour les profs. Les profs sont mal payés. Ouais. C'est bien pour toi. Merci pour le soutien en tout cas. Bah, je confirme. T'avais pas de prof dans la famille? Non. Si, moi, ma mère était prof. Je sais. Et ouais. Elle était sévère. On est très intelligent dans la famille. Elle était prof d'intelligence. Ah, bah ça m'étonne pas. Elle était cool. Tu l'as jamais eu comme prof? Ah non, mais j'aurais pas supporté. Mais moi, j'avais une fille d'un des profs dans la classe. Mais on l'a traité de connasse, nous. Pourquoi? Mais elle est pour rien si elle est fille de prof. Tiens, on lui disait, parce que son père, il nous collait des interrompts, on lui disait, mais espèce de connasse, t'aurais pas pu nous le dire. Oui, bienvenue, on t'a dit, Romano, t'as vu? Bon, Cédric, tu veux pas faire une école de radio pour faire un standard correct? Romano, donne-lui des cours. À combien tu lui les fais, les cours? J'ai des cours particuliers, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Je fais des formations standards. Allô, il y a Jacques Vassot. Oui, bonjour, monsieur. C'est Jean-Jacques. C'est Jean-Jacques? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis professeur des écoles, là, je fais ma grande rentrée aujourd'hui, là. Vous êtes, je comprends pas. Professeur. Oui, d'accord. Oui, à l'école. Et oui. En fait, on est mal payé, je voulais savoir, vu que j'apprends plein de choses à vos enfants, sans doute. Quels enfants? Bah, vous avez pas d'enfants? Non. Bah, il faut en faire. Bah, dépêchez-vous, hein. Et en tout cas, en attendant, est-ce que vous pourriez me donner 50 euros pour augmenter mon pouvoir d'achat, étant donné que je suis mal payé? Non. Non, bah lui, il a pas de gosse. T'as pas de chance, Romano. Les gens vraiment ne sont pas corrects. Il a pas de gosse. Il est pas prêt d'en faire, d'ailleurs, a priori. Non, a priori, c'est pas trop son truc. Non, puis il avait déjà un certain âge. Je pense aussi. Alors, Cédric, qu'est-ce que tu appelles? Là, on va chez Gilbert. Gilbert, très bien. Tu crois qu'il va décrocher ou pas? Ouais, je pense. Oui. Bien vu. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, c'est la femme à Gilbert? Oui. Oui, bonjour, madame. Vous êtes mère de famille? Oui, mais qui téléphone là? C'est mon voisin? Non, pas du tout, c'est Monsieur Lapins, professeur à l'appareil. Oui. Oui, et je fais ma rentrée scolaire aujourd'hui là, parce qu'on rentre avant les élèves, et vous savez que les profs, on est mal payés. Vous voudrez pas me donner 50 euros? Non, pas du tout. Bah donnez-moi 100 alors. Ouais, non plus. peut-être 200. Mais monsieur, qui vous êtes? Ah bah moi, je suis professeur des écoles. Et vu Non, mais arrêtez vos blagues là. Sérieusement, j'ai mon costume, j'ai ma petite mallette. Oui, vous êtes Jean-Louis. Exactement, c'est moi Jean-Louis. Oui, voilà, d'accord. Bon, écoutez, passez une bonne journée, au revoir. Je passe te voir pour les 100 euros. Non. Ah, les gens sont radins. Après, ils vont se plaindre. Les profs, ils sont pas bien. Exactement. Ça, c'est bien dit, Romano. Les gens, ils critiquent, mais ils font rien pour faire des efforts. Alors que dans l'équipe, vous allez tous me donner 50 euros. Ouais, oui. Garde la pêche. Attends, moi, j'ai pas le temps parce qu'il faut que je fasse l'horoscope, là. Ah, bah oui, forcément. L'horoscope de l'amour qui arrive. Voilà, t'inquiète, dis fou, je paye ta part. Et puis, c'est gentil, Cédric. Voilà, donne à Romano, professeur de radio. Oh, ouais. Et puis, les trucs qu'il ne faut pas faire si on ne veut pas avoir de problème avec la police, la compile arrive dans un instant sur Sky. Dans une minute, l'horoscope, 8h50. Géant. Ce sont toujours les jours imbattables chez Géant. Jusqu'à mercredi dans votre Géant, bénéficiez d'une réduction de 40% sous forme de bon d'achat sur la TV LED 48 pouces Polaroid, écran 122 cm Full HD à 349 euros, soit un bon d'achat de 139,60 euros. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable sur l'ensemble du magasin du 1er au 7 septembre. C'est la rentrée no stress chez But. En ce moment, profitez de moins 50% sur de nombreux produits. Oui, jusqu'à moins 50%. But, c'est nous. Produits et réductions signalés en magasin et sur but.fr. Chers parents, soyez attentifs. Chez Intermarché, c'est la rentrée la moins chère de France. Des prix hallucinants sur une sélection de produits du petit déjeuner et du goûter. Vous allez être premier de la classe en économie. Notez bien, les prix de rentrée les moins chers de France sont chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Du 29 août au 11 septembre, conditions et magasins participants sur intermarché.com. Ah, merci à Cherokee pour son message qui nous dit Romano, prof de diction, c'est comme si Ribéry était prof de français, c'est vrai. Eh bien, c'est mon collègue. Voilà, salut Francky. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et votre horoscope à découvrir comme tous les matins, l'horoscope de l'amour. On vous donne vos 12 signes et on vous donne vos notes, les notes du jour. Le voici, le voilà, l'horoscope. Gémeaux Bélier, 0 sur 5. Aïe, attention à ne pas faire confiance trop vite aujourd'hui. Ça va là pour les célibataires, c'est valable pour les amoureux aussi. Restez prudents et tout se passera bien. Bienvenue la parano. Ouais. 1 sur 5, les balances et les taureaux, vous êtes prêts à mentir aujourd'hui pour séduire. Faites gaffe à ne pas vous emmêler les pinceaux parce que quand on ment, souvent on mélange les pinceaux, hein Cédric. Ouais. 2 sur 5, les poissons et les cancers. Un ou une amie pourrait avoir besoin de se confier à vous. Mettez-vous à son écoute, ça peut servir. 3 sur 5, les lions et les capricornes. Pas de prise de tête, c'est une journée calme côté sentiments. Pas d'embrouille, tout va bien se passer. Lion, capricorne, 3, 4. Les Verseaux et les Vierges, vous serez très portés sur le sexe aujourd'hui. Si vous êtes en couple, bonne nouvelle, votre partenaire sera sur la même longueur d'onde. Et si vous êtes en solo, essayez les sites de rencontres, car la chance est avec vous, les Vierges et les Verseaux. Et on finit par les Scorpions et les Sagittaires. Et bien sachez, Scorpions, Sagittaires, que personne ne pourra rivaliser avec vous en ce mercredi. Vous allez faire tourner les têtes. Zizi. Oh là, ça tourne. Et vous avez 5 sur 5. Bien joué, il est 8h52. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Ah, et Alonso maintenant, je l'ai promis, Alonso. Alonso le Marseillais, c'est Binta, direction Marseille. Binta dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon pote, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, ce bout. On appelle de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. T'es tas de conquêtes sans tasse. Toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Elle vit la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Bruno sur Skyrock. Binta, Binta, 8h55. On va faire tourner la roulette. Tiens, vous pouvez vous inscrire. 7-20-20, vous envoyez roulette. Allez-y. Le 7-20-20, c'est pratique. Vous envoyez roulette pour faire tourner la roulette et aller voir Maître Gims en concert avec Skyrock. On vous fait tourner votre première roulette de la journée dans un instant. Roulette au 7-20-20. Puis le 7-20-20, c'est pratique. Mais si vous envoyez 1500, vous pouvez être inscrit pour les 1500€ de demain. Oui. Et faire comme Anaïs, gagner 1500€. Elle a gagné à Nancy tout à l'heure. On t'embrasse. On te fait plein de gros bisous. Bravo, bravo. Oui, la France entière se réveille avec Skyrock et la France entière va savoir maintenant les trucs qu'il ne faut pas faire si on ne veut pas avoir de problème avec la police. La compile du morning de Default sur Skyrock. Oui, alors la compile du jour avec une petite sélection de problèmes avec la police, ça arrive. Hein. Quel est le dernier problème que vous avez eu avec la police, Cédric, c'est quoi? Contrôle d'identité. Contrôle d'identité. Ah si, j'ai fait une garde à vue aussi cet été. Garde à vue aussi cet été. Ah, t'as fait une garde à vue cet été, tu nous avais pas dit. Ah, ça, on était pas au courant. Ah, très bien. Cédric, quand tu ne fais pas sa garde à vue par mois, il est mal. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Qu'est-ce que t'as fait encore? Mais c'était un pote à moi, il s'était fait passer pour un keuf. Ah, il avait dragué des meufs. C'était au début de l'été. Ah, ouais. Oui. Bah, c'était l'été. Il a dragué des meufs et en fait, on s'est fait rattraper par la vraie police et puis, bah, on a été invité au commissariat. Non, mais tu diras quand même à ton pote, entre nous, il a quand même une sacrée technique de merde pour draguer les meufs. Ah, bah ouais, il est très con, ouais. Ouais, c'est bien joué, Cédric. Pas mal, pas mal. Donc, on aurait pu le mettre dans la compile du jour. Dans la compile du jour, attention, voici donc les trois trucs à ne pas faire si vous ne voulez pas avoir de problème avec la police. Numéro 3. Numéro 3, vendre des joints tout près sur la plage. Ah oui, ça, c'est pas le top, ouais. C'est le genre de truc que t'aurais pu faire, toi, Romano, pour gagner un petit peu d'argent. Ouais, non, mais j'ai pas, moi, je ne consomme pas ces produits stupéfiants. Non, mais il les consommait pas non plus. Hein. Il faisait juste des petits ouinges tout roulés. Il les vendait. C'est un mec, il a 15 ans. Il est arrêté sur les plages des Landes en position de 10 grammes d'herbe et de 850€ en liquide, ça rapporte ce truc quand même. Ah ouais, ça rapporte. Ouais. Et oui, et il fabriquait des joints tout près sur la plage. Vraiment. Chouchou, beignet, joint, pétard. Chouchou, beignet, joint, pétard. Très sympa. Mais moi, c'était sur la plage. Je suis parti un petit peu autour du monde. J'ai fait un petit arrêt en Italie. J'ai arrêté sur une plage d'Italie. Et il y avait le mec qui vendait donc des glaces, des chouchous, de l'eau, des boissons. Et il vendait également de l'herbe sur la plage. C'est vrai? Ouais, ouais. Il avait un espèce de truc, mais un truc à chenilles pour rouler sur la plage. Ouais. Je vois les trucs qui roulent. Il y a ça sur toutes les plages. Ouais. Voilà, il fournissait toute la plage. Bah, c'est sympa comme tout. Je sais pas s'il fournit encore, mais en tout cas. Non, il est en prison là. Ah, lui aussi. Donc, on confirme, il ne faut pas vendre de joint tout près sur la plage. Non. Numéro 2. Numéro 2. Alors, il ne faut pas faire d'excès de vitesse quand on est en conduite accompagnée. Mais bien sûr. C'est passé pour un jeune automobiliste sur l'autoroute A62 entre Bordeaux et Toulouse. Ah, c'est celui qui cumule. Il ne faut pas conduire non plus si vous êtes mineur. Ouais, c'est ça. 17 ans. Ah ouais. 160 km/h sur l'autoroute. Bon, champion. Ah ouais. Avec sa mère à côté qui, a priori, elle, n'en avait absolument rien à faire. Ah oui, il y avait sa mère à côté en plus. Non, c'est pas vrai. Complètement désintéressé de la situation. 3 infractions ont été retenues contre la mère. Accompagnatrice responsable, vitesse excessive, circulation sur voie de gauche et non présentation du livret d'apprentissage. Pas mal. Et bien, bonne vacances. 160€ sur 160 km/h, oui. Oui, 160 km/h. Ouais. Je te regarde, je pense à de l'argent. Sur l'autoroute, oui. Bon, bah, bien joué. En jeune conducteur, faut pas, oui. Et numéro 1, on va mettre à l'honneur celui dont on vous parle depuis ce matin, même depuis hier soir dans la radio libre. Est-ce que vous voulez que j'appelle Oui, vas-y, Nikos, vas-y. Comment Chris Brown. Chris Brown. Vous plaisantez, j'espère. Mais non, on ne plaisante pas. Chris Brown, en effet, il ne faut pas rester enfermé chez soi quand la police veut rentrer à l'intérieur de la maison. C'est ce qu'a fait Chris Brown pendant 12 heures hier. Oui, et il ne faut pas menacer des gens avec une arme. Et il ne faut pas non plus menacer des gens avec une arme. C'est ce qu'il a fait avec Miss... California. Oui. Fuck ugly bitches. Il faut lui dire ça, mais c'est tout. Fuck ugly bitches, c'est ce qu'il lui a dit. Donc, il ne faut pas faire comme Chris Brown, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Et il ne faut pas non plus insulter la police. Non. Y'all the worst gang in the world, the police. And I said it. Fuck you. Moi, le plus vilain gang du monde, c'est la police. Et je dis fuck you. Fuck you. Merci, Chris. Un truc à dire à un des membres de l'équipe, je sais pas, au hasard, Cédric. Fuck you. Fuck you. Ah, c'est gentil, merci. En plus, tu l'as rencontré, Cédric, pendant les vacances. Ouais, ça s'est super bien passé en plus. J'ai un pote à moi, il s'est mangé une patate par un de ses collègues. Voilà, Chris Brown, toujours sympathique, ce Chris Brown. Voilà, moi, il m'a giflé. Je vous disais, quand on l'avait reçu, il était gentil tout plein, Chris Brown. Ouais. Mais je crois qu'il est un peu trop dans les drogues. C'est possible. Ouais. Voilà, c'était la compile du jour. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire si vous ne voulez pas avoir de problème avec la police? Eh ben voilà. Il est 9h du matin sur... Merci Chris. Et ça passe, Chris Brown. Et la roulette, 7-20-20, tourne dans un instant. Maître Gims a gagné, vous voulez aller le voir en concert pour ses gros concerts, sa grosse tournée, Skyrock, évidemment. Eh ben, l'inscription 7-20-20, vous envoyez roulette. Vite chérie, fais de la place dans le chariot. Ah, c'est le

9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et ouais, le morning depuis 6h du matin, donc on passait une super matinée, mais ça passe trop vite. Mais heureusement, on sera de retour demain, puis même ce soir, entre 21h et minuit. Mais c'est pas fini, hein, restez bien dans le coin. On a Johanna qui est avec nous. Ne pars pas tout de suite, Johanna. En plus, derrière nous, il y a Fredo, le son de Sky. Et voir, ça va déchirer. Johanna d'Elancourt dans le 78. Bienvenue, les Yvelines. Salut, merci, Johanna. Bonjour. Salut, salut. Salut. Bienvenue à toi, Johanna. Présente-toi un petit peu. Tu fais quoi dans la vie, tout ça? Alors, je suis commerciale, j'ai 36 ans et j'habite le 78. Ah, commerciale, tu es une femme pour Romano, toi, dis donc. Ça dépend ce que tu vends quoi de beau. Tout ce qui est articles de bricolage et de décoration. Ah, ça peut c'est pas mal ça, ouais. Ouais, en plus, c'est un toqué de ça, là, Romano. Là. On a marteau, tiens. Le bricolage, c'est son dada. On l'appelle Monsieur Bricolage dans l'équipe. Ah ouais, j'adore. Mister Brico. Ah ouais. Bon, tu veux la roulette, hein, Johanna? Ouais. Allez, c'est parti. Tous en place de concert, Maître Gims. Skyrock. Premier sur Maître Gims. Ouais, 200 places à gagner pour la tournée Skyrock de Maître Gims. Il tourne dans toute la France. Johanna, tu veux tes places? Il sera à Paris d'ailleurs. Hein, ouais. À l'Alliance. À le machin truc là. Accor Hôtel Arena. Ouais, je vais dire à Bercy, moi. Voilà, c'est Bercy, oui. Allez, à Bercy. C'est parti, Johanna, tu dis stop quand tu veux. L'Alliance Riviera, c'est le stade de Nice. Yes. Ouais. De toute façon, ça, tout ça, c'est de la pub clandestine. Moi, je dis merci. C'est vrai, ouais. Oui. Johanna, tu viens de gagner 2 places pour aller voir Maître Gims où tu veux. Donc, je pense que tu vas choisir Paris, c'est à côté de chez toi. Paris, parfait. Ah, Paris, parfait. D'autres places de concert à gagner tout au long de la journée sur Skyrock avec Fred qui arrive dans un instant. Gros bisous, Johanna. On t'embrasse. Bisous, bisous. Ciao. Allez, on vous a gâté. Bisous, bisous. On vous a gâté les filles ce matin. Les filles et les gars aussi. On a offert plein d'iPhone. Il y en a eu pour tout le monde. Il y en a eu pour tout le monde. On a offert 1500 euros à Anaïs. Bravo, Anaïs. Félicitations. Et il s'est passé plein de choses ce matin avec l'affaire Chris Brown qu'on a suivi en direct sur Skyrock depuis hier soir. Oui. On était à fond là-dessus. Je remercie d'ailleurs nos envoyés spéciaux. Cédric le Belge, Romano le Bourguignon. De rien. Envoyé spécial à Los Angeles hier soir dans la radio libre, c'était super. Devant la maison de Chris Brown. Devant la maison de Chris Brown. On vous tiendra au courant ce soir d'ailleurs, et puis restez bien. Oui, s'il y a du nouveau, ouais. Et tout de suite, le zap du morning. Ça s'est passé ce matin. C'est le zap du morning sur Skyrock. Les ch'tis contre le reste du monde, et alors, on se cultive, j'avais promis. Voici Jessica dans toute sa splendeur. En quelle année Christophe Colomb a découvert l'Amérique? Ah bah 1945. Ah bah oui, attends. Ah bah évidemment. 1945, Christophe Colomb. Elle était un peu à la bourre. Cédric, c'est quelle année? C'est 1914. Ouais. 1914, Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1914. Non, non, non. Bravo Cédric. Un nouveau Jean-Pierre qui est réveillé par Patrick Chirac ce matin. C'est le réveil de star. Salut. C'est qui? Patrick. Et toi? Ah, moi c'est Jean-Pierre. Tu vois Jean-Pierre, tous les ans je me fais un nouveau copain. Et cette année j'ai l'impression que ça va être toi. Oh, plus que vous. Mettons les choses au point tout de suite Jean-Pierre. Hein. Tout ce qui concerne la vie privée, je suis une tombe. Ouais. Tu cries quand tu jouis, toi? Ouais, bien sûr. Oh, mon Jean-Pierre. Eh ouais. Bon, allez. Ah bah salut. La reine de beauté admirait un magnifique diamant exposé par un ami de Chris Brown. Quand il s'est énervé, il lui a demandé de dégager. En mode un peu gangsta, il lui a mis un flingue sur la tempe. Bon, la victime présumée prise de peur. Comme tu fais bien, Chris Brown. Ouais, je trouve aussi, ouais. La victime présumée prise de peur a quitté la villa et a appelé les secours au call 911 911. La police s'est rendue sur place. Carriole, je l'ai amené une fois au camping. Et alors c'est bien le style, aimer le camping. Non, mais elle a pas dormi de la nuit parce qu'elle. Tiens, on rentre dans la tente, elle me dit, mais il n'y a pas de verrou. C'est la radio, Anaïs, au téléphone. On t'appelle pour t'offrir 1500 euros ce matin. Skyrock. C'est alors, la mode. Hein. Vous répondez avant que je pose la question. Cette année, ça me vexe. C'est pas possible. Ah. Alors, Anaïs, quelle est ta radio préférée? Skyrock. Eh bien, tu viens de gagner 1500 euros, Anaïs. Bravo. 1500 euros pour toi, Anaïs, ce matin en direct sur Skyrock. C'est trop bien. Anaïs qui a failli nous faire un malaise ce matin là. Bravo Anaïs, t'as gagné 1500 euros. T'envoies ton chèque à Nancy dans le 54. Ah, c'est tombé plein de fois depuis lundi. Hein. 2 rendez-vous par heure pour les 1500 euros. Toutes les demi-heures, 1500 euros à gagner. Enfin, bisous à Nadège de Lormont dans le 33, à Nico Alexandre de Draveil dans le 91, à Stéphanie qui a gagné à Orléans, à Antoine qui a gagné à Nîmes, à Fabien qui a gagné à Lille. Et oui, ça tombe. 1500 euros peut-être pour vous le prochain coup. Demain, inscrivez-vous sur le 720, vous envoyez 1500 au 720. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Oui, j'envoie des messages au 720. Mais arrête, les membres de la société Skyrock n'ont pas le droit de participer. Malheureusement, ouais. Mais ouais, vous par contre, vous avez tous les droits, allez-y. Hein. Ouais. 720, 1500 et c'est pour vous, peut-être demain, dans la poche, il est 9h11. Salut Fredo! Hello. Hello, comment ça va? Ça va. Ah, j'ai Chris Brown qui a quelque chose à te dire. Fuck ugly bitches. C'est qui? C'est le vrai Chris Brown? Ah oui, c'est le vrai. Ouais, le vrai Chris Brown. Fuck ugly bitches. Hello, Fredo. You're the worst gang in the world. The police. And I said it. Fuck you. Oui, ça, il faut pas. J'ai eu un doute avec Rémi, j'ai eu peur, je savais plus lequel est. C'est vrai qu'on a un américain. C'est vrai, je me suis dit, je sais pas lequel des deux c'est. Ah, attendez, on me dit que Chris Brown a quelque chose à dire à Rémi. Fuck you. D'accord, très bien, merci, merci Chris. L'aventure de. T'as entendu ça hier soir, là, on a suivi ça en direct. Ouais. Mais on sait pas trop, on sait pas trop ce qui s'est passé. Les flics ont débarqué, soi-disant qu'il avait une arme, c'est ça qu'il a pointé sur une nana Miss California. Qui est en photo d'ailleurs sur tous les réseaux de Skyrock. Allez mater Miss California si vous voulez vous faire plaisir, les gars, ce matin. Mais respectons la présomption d'innocence, c'est important. Oui, non, en plus, quand il est sorti, ce que je disais hier soir, il avait pas les menottes. Donc moi, connaissant les Américains, je me dis que tant qu'il a pas les menottes. Ah bah ouais, surtout aux États-Unis, ils peuvent vite te choper pour n'importe quoi. Hein. Voilà, en tout cas, nous, il avait été super sympa avec nous, Chris Brown. Mais là, il a une petite montée encore. Hein. Il a parfois des montées, ce garçon. Hein. Ah, c'est. Chris Brown. C'est les démons. Ouais, les démons de minuit. Mm-hmm. Complètement. Oui. On le retrouvera peut-être dans la journée. Restez bien sur Skyrock, à Urban Music Non-Stop. C'est sur Skyrock, la première radio urbaine mondiale. C'est avec Fredo maintenant. Nous, on vous donne rendez-vous ce soir à partir de 21h. Planète Rap encore avec Frank Ocean aujourd'hui. Et demain, nouveau Planète Rap pour la rentrée. Deux nouveaux Planète Rap. Frank Ocean et les Planète Rap live avec tous les artistes qui passent en live prochainement avec Skyrock. Donc il y aura du son de Maître Gims en concert à écouter, du son de Sopra aussi et plein d'autres. Et voilà, vous avez réservé de gros Planète Rap pour la rentrée de demain et pour vendredi aussi. Spécial live avec les lives. C'est pour fêter la rentrée. Des concerts de Skyrock. Merci Fredo. Merci Fredo, de penser à la rentrée. Bah ouais, parce que ça va être là deux jours un peu. Tu vois, il va falloir redémarrer la machine, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, on salue tous les étudiants, les collégiens, lycéens qui nous écoutent. Demain matin, venez vous réveiller avec nous entre 6h et 9h. Ce sera plus facile pour aller au bahut. Ouais. Hein, ouais. Ou au boulot, demain, à 6h. Et ce soir, à 21h, de retour pour la Radio Libre. Bonne journée, et c'est parti, Fredo. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. À toutes. À tout à l'heure. Tiens, on va débuter avec une ex de Chris Brown, justement. Riri. Et le son du DJ producteur anglais Calvin Harris. Il est bien riche, lui. Ouais. Très bien. C'est une belle présentation, Romano, t'as raison. C'est une magnifique présentation. Bon, ciao à toutes. Ciao. À ah ouais, c'est le DJ le plus payé au monde. Oui, ouais, c'est ça. Ah bah ouais, il est bien, ouais, Calvin Harris. Ouais, ça va. Il est assez tranquille, ouais, je pense. Il a battu David Guetta. Ouais. Eh ben, c'est un beau combat. Oui. Bon, ciao à toutes. Salut, à tout à l'heure. C'est parti pour Saut Skyrock à 9h15. Bonne matinée donc à vous tous en ce mercredi matin, veille de rentrée pour certains. Mais venez vous détendre, venez avec le son de Skyrock. On fera aussi tourner la roulette tout à l'heure des places pour aller voir Maître Gims. Et je le disais, le son de Skyrock, c'est Rihanna. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.